Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Reiki. Samuel Girard cotera l'actualité sur l'échelle de Girard dans sa chronique hebdomadaire et Marc-Christine Perra évaluera l'art avec le système de l'évaluation par les pairs. Dans Gratin et pas gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 14 mars 2016, 43 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Allô, Tania! Okay, bon matin! Hey! Hey, il nous reste seulement un mois et demi avant la fin. Je sais! C'est ça que ça veut dire. On compte c'est les fou. Jours. Passez une belle fin de semaine. Passez une très belle fin de semaine. Il s'est frisqué ce matin, par contre, comparé au restant de la fin de semaine. Ouais. Mais bon, ça veut tout simplement dire que c'est lundi et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, il n'y a que des mauvaises nouvelles le lundi. C'est ça. Tes changements d'heure, est-ce que ça t'affecte un peu? Hey, écoute, ça m'a beaucoup affecté hier. Surtout que samedi, j'ai passé la fin de semaine à Montréal chez des amis. Ouais. Puis on a eu une bonne soirée samedi soir. On s'est quand même couché tard. J'ai l'impression que ça l'a joué au moment où que je me suis réveillée dimanche. Je me suis endormie toute la journée. Toute la journée, je m'endormais. Ben c'est drôle, j'ai vécu un petit peu la même chose. Mm-hmm. Samedi, j'ai dû dormir en bloc de 3-4 heures à la fois, 5-6 fois de suite, genre. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Je me suis dit, bon, OK, j'ai des affaires à faire, je vais me lever comme faux, ça. Mais dans le fond, il était juste 3 heures du matin. C'est ça. Fait que j'aurais dû retourner me coucher. Exactement. En tout cas, bref, sûrement que vous êtes dans le même pétrin que nous. Hein? On est lundi quand même pour tout le monde. Parlons de l'émission d'aujourd'hui. À 8h30, Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire sur l'actualité canadienne, québécoise, sur l'ingénierie. Oui. La science, des trucs comme ça, donc ça c'est à 8h30. Ensuite, à 9h, Marie-Christine Perra et sa chronique sur les arts visuels gratin et vin gratuit. On va faire le tour de ce qu'elle a été voir en personne et ce qu'il y a à voir pour vous dans les prochains jours en termes d'art. Ta collègue à toi s'en vient, Tania Esgalin-Tutania. Ouais. Quoi neuf? Bien, écoute, ça fait quelques fois que je vous présente des parties du corps, mettons, des organes ou quoi que ce soit. C'est un peu louche. C'est ça. Fantasmes. Je vous ai déjà parlé de l'appendice. Bien, aujourd'hui, en fait, je vais finalement parler de la vésicule biliaire. Ah oui! Ben oui, parce qu'on en a tellement ri. Ce qui te touche de près, on va voir pourquoi. Oui, c'est ça, ça me touche de très près, alors je vais vous parler de la vésicule biliaire. Génial! Ça s'en vient dans quelques instants, dans une vingtaine, trentaine de minutes. Mais avant, je crois qu'on devrait commencer en chronique tout de suite. Allons-y, sans plus attendre, en apprenant des choses directement le lundi, il n'y a pas le temps de prendre une pause musicale. Non, non, non. On veut apprendre le plus possible, voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est plus, c'est tout fait, c'est tout fait, dans le cas de Tania Baudin. C'est vraiment ça, hein? Bref, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Et commençons avec des trucs de films un peu. Oui. Tu connais le film Zootopia? Oui, c'est Zootopia 2 est sorti il n'y a pas très très longtemps, si je me souviens bien. Non, ça c'est Transylvania truc, je pense, non? Non, non. Non? Le nouveau. Ouais. Pas mal. Bref. Le film Zootopia, qui est à l'affiche en ce moment en cinéma, c'est ça. C'est par Disney. OK, c'est le Zootopia 1, finalement. Ben, pas mal ça. C'est pour ça que je vais pas contredire, parce que je vais passer ça. Ouais, non, c'est bon. Bref, on parle de marketing de film. Oui. Lorsqu'on fait du marketing pour un film ailleurs dans le monde, des fois, on va faire quelques petits changements pour essayer de s'adapter au pays ou à l'endroit où on exporte le film. Disney a beaucoup cette stratégie-là. Les publics l'ont peut-être vu dans le film Inside Out, donc sans dessus-dessous. Et encore une fois, c'est la même chose avec Zootopia. D'ailleurs, tellement que le studio veut s'adapter aux différents pays, que dans les pays où on comprendrait pas la référence à Zootopia comme une utopie, ben on l'appelle Zootropolis. Ah, OK. Ah, tu vois. Bref, Zootopia se passe dans un monde avec des animaux anthropomorphiques qui vont vivre ensemble en harmonie. Donc, anthropomorphiques, ça veut dire qu'ils agissent comme des humains, qu'ils marchent comme des humains, qu'ils parlent comme des humains. Donc, la chaîne de nouvelles CNN dans le film montre deux animateurs de nouvelles. T'as un léopard et un orignal. En tout cas, c'est un orignal quand on le regarde au Canada, c'est un orignal aux États-Unis, c'est un orignal en France. Okay. Selon l'utilisateur de Twitter, Ryshet's Corner, cet orignal devient un tanuki, qui est un animal japonais. Okay. Lorsqu'on vit au Japon. En Australie et en Nouvelle-Zélande, on a un koala à la place. Ah, ben oui. En Chine, on a un panda. OK. Et au Brésil, un jaguar. Et finalement, au Royaume-Uni, on a un Welsh Corgi, le petit chien. Donc, on peut aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Étant donné que le film n'est pas encore sorti au Royaume-Uni, on n'a pas encore vu le Corgi, mais on voit les autres animateurs dans l'environnement de nouvelles de CNN du film. Étant donné que les animaux changent, les acteurs aussi changent. Au Canada anglais, c'est l'animateur de nouvelles de la CBC, Peter Mansbridge, qui fait l'orignal. OK. Alors que le chanteur australien David Campbell joue le koala et le journaliste Ricardo Bush joue le jaguar. Ça a été quand même assez bien reçu, nous dit mentalfloss.com, même si en Nouvelle-Zélande, on est un petit peu fâché d'être mis avec l'Australie, avec le koala, parce que ça ne représente pas la Nouvelle-Zélande. Mais là, à un moment donné, on ne va pas en faire un pour chaque pays. Ben là, oui, là, hein? Il faut se calmer quand même. Déjà qu'on a un petit peu d'adaptation, quand même. Bref, voilà, vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. J'aimerais savoir en français au Québec qui joue l'animateur de nouvelles, mais bon... Je me le demande aussi. Il faudrait faire des recherches un petit peu, là. Ensuite, justement, tiens, on a parlé de Inside Out tantôt, sans dessus dessous, qui en France a un autre nom. Hein, tu te rappelles, j'en avais parlé à un moment donné. Attends un peu, je vais aller voir en France. Il y a un nom particulièrement stupide, Vice Versa en France. Je trouve tellement ça mauvais. Alors qu'au Québec, on appelait ça sans dessus dessous. J'aime le jeu de mots. Bref, des détails de Inside Out qui changent dépendant du pays où vous le regardez. Okay. Ça, c'est le plus récent film de Pixar. Ça parle de la vie émotionnelle, émotive d'un enfant américain. Américaine. Donc, les thèmes, évidemment, sont faciles à comprendre pour les enfants partout dans le monde. Mais le studio a quand même décidé de changer quelques petits détails. Ils ont appris qu'il y avait des trucs dans le contenu qui n'auraient pas de sens dans d'autres pays. C'est le réalisateur Pete Docter qui a dit ça dans un communiqué de presse. Donc, l'équipe a fait 28 changements graphiques à 45 plans au total. Wow! Ouais. Donc, un exemple en particulier, c'est les légumes que Riley n'aime pas. Si on regarde le film au Japon, on a changé les brocolis. En fait, on les a pas changés, on les a juste montrés autrement. Le film a été refait à ce moment-là pour le brocoli. À la place, elle mange des poivrons verts que les enfants aiment vraiment pas, donc des piments verts. Qui causent des cauchemars aux enfants là-bas. Un autre changement, c'est le sport qui est joué dans la tête du père de Riley. C'est pas tous les pays qui sont familiers avec le hockey, nous dit-on. Donc, on a changé ça pour du soccer dans certaines versions. Ah! Ça a du sens. Il y a aussi une scène où l'ami imaginaire de Riley, Bing Bong, pointe les lettres danger de NGR. L'équipe a traduit les lettres et a aussi renversé le mouvement de main pour aller de la droite à la gauche pour les pays qui lisent de la droite à la gauche. C'est pas la première fois que Pixar retravaille certains éléments pour des publics à l'extérieur des États-Unis. Dans Monsters University, les petits gâteaux de Randall disaient « Be my pal » et lorsqu'ils étaient réorganisés, ça devenait « lame ». Donc, les animateurs ont changé les petits gâteaux, ils ont enlevé les lettres « Be my pal », ils ont remplacé par des petits sourires à la place. Donc, il n'y a juste rien d'écrit sur les petits gâteaux. Et tu perds le gag, mais au moins, tu n'as pas des mots en anglais dans un film qui se passe pas en anglais. Hein? J'adore cette idée-là. Ensuite, une poupée vient essayer de combattre l'image corporelle irréaliste des hommes. OK. Les femmes ne sont pas les seules à être affectées négativement par les corps irréalistes qu'on voit dans les médias populaires. Donc, les désordres alimentaires, on a déjà parlé de ça avec toi. Selon un estimé, 10 millions d'hommes américains vont avoir de la difficulté avec un désordre alimentaire dans leur vie. Il y a évidemment l'idée d'un corps inatteignable, rempli de muscles et de plein de belles choses comme ça. Là. Un corps des hommes de poids normal, quoi qu'ils sont en fait en état de surpoids. Pour montrer ces problèmes-là, Nicolai Lam, le créateur d'une poupée avec des proportions d'une femme de 19 ans moyenne, qui a même ses règles, a lancé une version pour les hommes, pour les garçons. Donc, Boyle Lamely, nommé en hommage au designer Lam, est conçu selon les proportions d'un homme de 19 ans, en utilisant les données fournies par l'Université du Michigan et un chercheur en anthropométrie. Hein? Donc, Lam dit que ces poupées-là sont supposées montrer que les vrais corps sont très beaux. Après avoir lancé Lamely version femme en 2014, il a commencé à recevoir des demandes spéciales pour une version mâle, masculine. Et il dit qu'on devrait en parler plus. Donc, les nouvelles poupées n'ont pas de six-pack, n'ont pas de biceps super sophistiqués. Contrairement à Ken, c'est ça. Il y a plus un corps de dad bod, là, ce qui est très populaire en ce moment. Vous pouvez avoir votre propre poupée réaliste via le site de la campagne de sous-financement de Boyle Lamely. On peut en avoir une pour $17. C'est sur lamely.com. tilt.com, donc LAMMILY.tilt.com, et les liens sur assemblagerequis.com. Dadbod. Tu sais, si seulement ça pouvait être plus à la mode. C'est vrai. Dadbod. Hashtag Dadbod. Mais il y a comme une mode à mener de ça, là. Ouais, ça n'a pas été long. C'est vrai. Quelques semaines. Ensuite, des lunettes qui vont regarder vos yeux et vont se focusser instantanément par elles-mêmes. Ah! Ouais, depuis qu'on a inventé les lunettes bifocales, c'est comme ça qu'on dit ça? Cool. À la fin du 18e siècle, la technologie derrière n'a pas tellement changé. Mais maintenant, il y a une compagnie israélienne qui travaille sur un nouveau type de lentilles et qui utilise une technologie intelligente pour ajuster leur focus basé sur ce que vous regardez selon MIT Technology Review. La compagnie s'appelle Deep Optics. Ils ont passé 3 ans à développer leur Omnifocals. Lorsque les gens portent les lunettes et regardent un objet de près, les lentilles vont focusser sur l'objet comme une vraie paire de lunettes. Aussitôt que la personne qui les porte bouge leurs yeux pour regarder quelque chose qui est plus près, comme un livre ou un écran de téléphone cellulaire, les sensors dans les lunettes vont mesurer la distance entre la pupille et l'objet et vont envoyer les données à un mini-processeur. Le processeur va ensuite utiliser l'information pour ajuster une couche de cristaux liquides dans les lentilles pour empêcher la lumière de passer, ou en tout cas les trucs qu'on doit faire. Bref. Le type de technologie qu'on a dans ces lunettes-là pourrait particulièrement aider les gens qui ont de la presbyopie, qui est la même condition qui a inspiré Benjamin Franklin à créer une paire de lunettes je m'excuse pour les termes en français, j'ai aucune idée. Bifocales. Le problème de vision qui affecte les gens alors qu'ils vieillissent, c'est donc plus difficile pour eux de focusser sur des objets qui sont plus près. Plusieurs personnes qui ont une presbyopie portent des lunettes avec des verres progressifs qui demandent donc de regarder à travers le bon endroit dans la lentille. Mm-hmm. On connaît le principe. Ce nouveau type de lentille va s'ajuster automatiquement en une fraction de seconde sans demander aucun effort de la part de la personne qui les porte. Les lunettes sont toujours au niveau prototype. Une version commerciale pourrait s'en venir dans le futur, rapprochée. La compagnie s'attend à ce que les gens puissent commencer à les tester dans environ 2 ans, selon le MIT Technology Review. Deep Optics a récemment annoncé qu'ils avaient ramassé 4 millions de dollars en venture capital pour rendre leur produit une réalité, faire de leur produit une réalité, grâce à des investisseurs comme la compagnie de lunettes française Essilor. Et à part l'industrie des lunettes, la technologie pourrait aussi être intéressante pour les manufacturiers de casques de réalité virtuelle qui veulent que les gens aient pas mal au cœur lorsqu'ils utilisent leurs produits. J'adore! C'est une bonne idée. Oui, c'était pas mal cool. Ensuite, le plus grand arbre de cachou au monde couvre une aire d'environ 80 000 pieds carrés et produit environ plus de 60 000 fruits par année. L'arbre a sa grandeur... cette grandeur-là étant donné... qu'il possède deux désordres génétiques, ce qui permet aux branches de pousser vers l'extérieur à la place de vers le haut. Donc, il prend racine à chaque fois qu'il touche le sol. Huh. C'est cool, hein? Donc, ça s'appelle le mayor cuero do mundo ou le cahuero de Pirangue. Ce qui veut dire le plus gros arbre de cachou au monde. l'arbre de cachou de Pirangue. Donc, il est un arbre de cachou dans Pirangue do Norte, Rio Grande do Norte, au Brésil. Voilà. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ensuite, un moment. Tu sais, des fois, on dit qu'on vit un moment. Mm-hmm. Ça, c'est un beau moment. En fait, c'est une unité médiévale pour compter le temps. Ça égale 1,5 minutes. OK. Donc, il y a 40 moments dans une heure. Hein? Ouais. T'es-tu sérieux? Un moment, ce qu'on appelle en latin momentum, est une unité médiévale de temps, nous dit-on. Le mouvement de nombre, d'un nombre, bref, sur le cadran solaire. Oui, oui, oui. Donc, ça couvrait 40 moments dans une heure solaire. Une heure, dans ce cas-là, voulait dire un douzième de la période entre le lever du soleil et le coucher du soleil. La longueur de l'heure solaire dépendait de la longueur de la journée, ce qui, elle, variait par saison. Donc, la longueur d'un moment en seconde moderne n'était pas fixée, mais en moyenne, un moment correspondait environ à 90 secondes d'aujourd'hui. Une journée était divisée en 24 heures de longueur inégale, 12 heures par jour et la nuit chaque. Et une heure était divisée en 4 puncta, donc des quarts d'heure, 10 minuta et 40 momenta. Ah ben mousse. C'est pas fascinant, il y a un peu ça? C'est très fascinant. Je pense que oui, moi. Alors, en 2014, le Congrès américain a dépensé 120 millions de dollars sur des tanks, même si l'armée militaire leur avait dit de façon répétée qu'ils n'en avaient pas besoin. Ça faisait 2 fois qu'ils leur disaient qu'ils n'avaient pas besoin de d'autres tanks et le Congrès a dépensé 120 millions de dollars quand même. Bon. Hein? Mais après ça, l'argent qui serait supposé aller ailleurs, Non, trop tard, on a déjà dépensé 120 millions dans des tanks. Au 19e siècle, les Américains remplissaient leur parc. Ils faisaient exprès pour remplir leur parc d'écureuils pour se divertir. On les trouvait rarement à l'extérieur de la forêt à ce moment-là, jusqu'au 19e siècle. On a rempli les parcs de ces écureuils-là et finalement, évidemment, ils sont partout maintenant. En 2009, un homme qui était un expert sur comment ne pas se faire kidnapper au Mexique, d'accord, c'est un expert là-dessus, okay. Comment ne pas se faire kidnapper au Mexique, a été, devinez quoi, kidnappé au Mexique, après avoir donné un discours sur comment ne pas se faire kidnapper au Mexique. Ben voyons donc. C'est pas du karma ça, mais c'est du... C'est pas loin, hein? C'est de l'ironie, je pense que c'est la définition même c'est, de l'ironie. Ouais, c'est de la grande ironie. De la grande ironie. Macha. Comme Macha Grenon? C'est ça, non, un chat de gouttière, un chat sauvage, okay. En Russie, qui a gardé un enfant, un jeune bébé garçon de 2 mois. Il l'a gardé au chaud, dans des températures congelées, sous zéro, en le collant, en le câlinant et en le léchant jusqu'à ce qu'il soit trouvé, le garçon. Et le bébé a survécu. Oh, quel petit chat! Ben oui, mais des chats... Hey, Crimzy avec autant de dégoût. Mais non, c'est pas ça, j'ai... On sait que t'aimes pas les chats. Ben non, mais je trouvais ça vraiment cute comme histoire. C'est une belle histoire. C'était une très belle histoire. Voilà. Ensuite, lorsque les chercheurs de l'université Texas State University qui étudiaient le pirate du 17e siècle, Captain Morgan, ça dit peut-être quelque chose? Ben oui, quand ils ont manqué de fonds d'argent en essayant de retrouver des artefacts dans un bateau coulé sur la côte du Panama, nul autre que la compagnie de rhum Captain Morgan leur a donné de l'argent pour continuer leur travail. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. T'imagines, t'appelles genre, oui bonjour, on est une gang d'étudiants qui faisons des recherches sur l'emblème de votre bouteille. Est-ce que vous nous donneriez un petit peu d'argent? Ça c'est cool, mais en plus si après ça c'est la compagnie qui t'appelle c'est à la place, t'es encore plus malade. C'est vraiment hâte. On a essayé 5 fois de bannir le café à travers l'histoire, Tania. Quoi? La dernière fois c'était outrage. La dernière fois était en 1777, c'était Frédéric le Grand, j'imagine Frédéric the Great, ouais. En Prussie. Roussi 4 danses, qui a écrit un manifeste, déclarant la supériorité de la bière par rapport au café. Il croyait que le café faisait interférence avec la consommation de bière au pays. Bon, ouais. Ça va bien. Le café aussi a été banni en 1511 parce que les leaders de la Mecque croyaient que ça stimulait les pensées radicales. Au 16e siècle, les hommes du clergé en Italie ont essayé de bannir le café parce qu'ils croyaient que c'était satanique. Par contre, le pape Clément VII... émet tellement le café qu'il a retiré cet ordre et a fait baptiser le café en 1600. C'est dans mes droits. Ouais. Le gouvernement suédois en 1746 a aussi essayé de rendre ça illégal. Ils ont essayé de bannir tout ce qui était rattaché au café, donc les tasses, les soucoupes. Et finalement, en 1777, Frédéric le Grand de Prussie a donc écrit un manifeste, comme on disait, qui déclarait la supériorité de la bière par rapport au café. Il croyait que ça faisait interférence avec la consommation de bière. Je vais aller voir... c'était ça, hein? Je vais essayer d'aller voir si c'était vraiment... Prusse. L'origine de territoire d'Europe orientale. La Prusse. Ensuite, selon la légende, tout le monde en Amérique croyait que les tomates étaient empoisonnées parce qu'elles étaient membres d'une famille de ce qu'on appelle la Nightshade Family. En 1820, un résident du New Jersey, Robert Gibbon Johnson, a mangé des tomates devant une large foule pour prouver que c'était mangeable. C'est drôle. Pas pire. Ensuite de ça, les écureuils. On a parlé d'écureuils tantôt. Ouais. Des fois, oublient où ils cachent leurs noix. Et selon, selon les écologistes, il y a une raison, c'est la raison en fait pour laquelle des millions d'arbres sont plantés. Parce qu'à un moment donné, ça pousse à cause de la petite graine de... Apparemment. D'écureuil. Apparemment. MIT. Oui. Ceux qui inventent plein d'affaires, ils fabriquent un portefeuille qui va vibrer lorsque votre compte en banque va faire une transaction. Ils vont s'arranger pour que le portefeuille soit plus difficile à ouvrir lorsque l'argent est serré dans ton compte. Donc, tu manques d'argent. Et il va prendre l'expansion et rapetisser si t'as plus ou moins d'argent. On travaille là-dessus. Au MIT. Massachusetts Institute of Technology. Je suis pas certaine que j'aimerais ça. Ça serait pas mal. Mais il prendrait moins de place, au moins. Oui, il prendrait moins de place, mais tu sais, c'est ton téléphone, c'est ton portefeuille qui te dit si t'as de l'argent c'est ou non. Ça. Mais toi, des fois, quand t'arrives à la cafétéria, je me demande si ça va passer sur ma carte. T'aurais pas à te le demander. Ouais, tu saurais. C'est sûr que là, ça serait bon pour ça. C'est ça. Tu saurais quand te contrôler, voilà. Ouais, exact. C'est devenu illégal de vendre voilà. Des flotteurs? C'est ça. Ben, si on veut, oui. Des sodas à la crème glacée. Donc, des flotteurs, ça veut dire une slush ou de la liqueur avec de la crème glacée dessus, comme chez AW. Mm-hmm. Donc, c'est devenu illégal de vendre ça les dimanches dans la ville américaine de Evanstown à la fin du 19e siècle. Pour contourner le problème, on a remplacé le soda par du sirop et on a appelé le dessert du Ice Cream Sundae, comme dimanche à la crème glacée. Aujourd'hui, évidemment, on appelle ça des Sundae, S-U-N-D-A-E. S. Faire changement. Ça dit pas quand la transition était faite. Comique. Un Walmart abandonné de 124 500 pieds carrés à McAllen, au Texas, a été changé en bibliothèque. Ouh! Sur un seul étage. Donc, très grande bibliothèque. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est malade. Ça ressemble aucunement à un Walmart. Aucunement. Il y a d'autres photos de d'autres bibliothèques dans une galerie d'images sur assemblagerequis.com en Irlande, en République tchèque, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le premier lit. Ça ressemble pas à la bibliothèque de l'université, hein? Non, pas tout à fait. Quoi qu'il est quand même pas pire pour une bibliothèque, malgré oui, le manque flagrant de livres dans plusieurs étalages. Il y a un arbre unique. On a parlé d'un arbre tantôt qui prenait ses racines parce qu'il y avait une mutation génétique. Mm-hmm. Donc, il y a un arbre près de Piemonte, en Italie, qui s'appelle le Double Tree of Sorzo. En fait, c'est deux arbres en un. Un arbre cerisier qui pousse sur un arbre de mulberry. Mulberry étant évidemment, tout le monde sait. Hein? C'est pas des petits fruits noirs, ça? C'est peut-être des mûres. Hein? Ouais. Je crois que c'est peut-être des mûres. Non, parce que des mûres, c'est black. Ben oui, t'as déjà raison. Non, c'est ça. Mûre mulberry. Il y a sûrement différentes variétés, mais ça s'appelle un mûrier. Ouais. Je me mélange tout le temps entre un black currant et un blackberry. Ah. Et un mulberry. Bref, hein, je suis mêlé dans mes affaires, faut croire. Mais bref, c'est donc deux arbres en un. Tu vois, les photos sont sur assemblagerequis.com, mais t'as un arbre qui pousse avec ses branches. Et dans le milieu de l'arbre, qui a l'air d'être comme fendu en deux. Oui. Ah, les jambes en l'air. Il y a comme un autre arbre. Les pattes en l'air. Il y a quelque chose qui sort d'entre les pattes. Et c'est l'autre arbre. En 1932, un réparateur de cellulaire de Seattle a reçu une plainte inhabituelle de la part d'un client. Une femme qui disait que son... je pense que cela, c'est le lien qui m'a le plus fait froid dans le dos. Ah, OK. Depuis le début de ce fait, il y a vraiment longtemps. Mais non, mais c'est pas si pire que ça. Mais tu vas voir, c'est vraiment... ça me fait peur. En 1932, donc, un réparateur de téléphone cellulaire de Seattle a reçu un appel d'une cliente qui disait que son téléphone ne sonnait jamais. Par contre, elle disait que son chien hurlait dans la cour arrière pour lui dire de répondre au téléphone à chaque fois. Son téléphone ne sonnait pas, mais le chien hurlait. Okay? Le résultat, c'est que le chien n'avait pas de pouvoir psychique, évidemment. Je pense qu'on s'entend là-dessus. C'est que le chien était enchaîné au sol par un fil de ground. Il y avait un court-circuit à chaque fois que le téléphone sonnait. Donc, le chien recevait un choc à chaque fois qu'on appelait le numéro de téléphone de la fille. Mais pourquoi elle a attaché son chien avec un fil de même? Ben, j'imagine qu'elle s'est trompée ou que le poteau a été planté dans quelque chose qui a touché au fil dans le sol. Mais le chien recevait un choc, donc il se mettait à hurler à chaque fois que le téléphone sonnait. Oh, chien! Mais ça vous montre comment, dans la vie, tout ce qui n'a pas d'explication, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps surnaturel. Ouais, parce que les gens, le premier réflexe qu'on a, c'est « Ah, le chien hurle à chaque fois que mon téléphone devrait sonner. Il y a des pouvoirs psychiens. » Psychiens? Mais non, il n'y a pas des pouvoirs psychiens. Ouais. T'as juste mal fait ta job de plantage de poteau. C'est vrai. Ça m'énerve, ce genre de choses-là, mais pour vrai, ça m'a fait froid dans le dos quand je l'ai lu hier. Moi, j'aurais aimé savoir c'est qui appelait. Oui. les vraies questions. Jean-Luc Mongrain. Exact. En 1908, les sacs de thé ont été inventés accidentellement. Ah, ouais. L'inventeur Thomas Sullivan a décidé, en fait, que c'était moins cher d'envoyer les petits échantillons de thé à ses clients potentiels dans des sacs de soie à la place de l'envoyer dans des boîtes. Les personnes qui recevaient ça croyaient que c'était supposé être trempé. Ça avait juste l'air trempable. À la place de vider le contenu dans leur truc pour faire le vin, ils ont choisi de se tremper à la poche, comme on dit. Mm-hmm. Donc Sullivan a reçu plein de commandes pour ses sacs de thé et il a fini par comprendre le message et il a mis son thé dans des sacs. Ah, mon Dieu, c'est tellement une bonne idée. Tellement. On reste dans ce qui est caféiné ou en tout cas ce qui nous donne de l'énergie. Une fille de 10 ans a accidentellement créé une nouvelle molécule dans son cours de science. Le tétranitratoxycarbone, accidentellement dans sa classe. Son nom, c'est Clara Lazen, L-A-Z-E-N. Elle a créé ça de même, par hasard. Bing bang, comme ça, là. Bing bang, bada boom, bada bing. Moi, je te prédis que cette petite fille-là fera pas des études en danse. Peut-être pas. Quoi qu'il y a le mal là-dedans, hein? Ah, donc, la tétranitratoxycarbone, qui est une toute nouvelle molécule explosive. Voilà. Ah, ouais. Ensuite, l'ex-copine d'un homme chinois, ainsi que sa copine présentement dans le présent, lors de l'histoire. Évidemment, c'est pas dans le présent en 2016, mais lors du présent de l'histoire, on se comprend. Donc, son ex-copine, cet homme-là, et sa copine courante, à l'époque de l'histoire, ont sauté en bas d'un pont dans une rivière pour voir qui il allait sauver. Mais voyons, non. Est-ce que tu veux deviner qui il a sauvé? Ouais, vas-y. Sa copine du présent de l'histoire. Ben là, son ex-copine. Non, mais là, faut à un moment donné, tourne la page. Ben, c'est ça. Comme disaient les Simards. On va en Norvège maintenant. Ah ouais? Le Friluftsliv, qui est un mot norvégien utilisé pour décrire une façon de vivre, une manière de vivre, un style de vie où on passe la vie à explorer et apprécier la nature. Donc, Friluftsliv, c'est une façon de savourer la nature. Ça veut dire. Est-ce que tu pourrais répéter la ville, s'il vous plaît? C'est pas une ville, c'est un mot. Ok, vas-y. C'est en Norvège, donc ça s'appelle Friluftsliv. Je voulais juste voir si t'allais le dire de la même façon non, que la première fois. Friluftsliv. C'est le ville à la fin, c'est le livre qui me mélange. C'est vrai. Bref, c'est un mot norvégien qui veut dire la vie à l'air ouvert. L'air ouvert. Oui, plein air, si on veut. On va dire plein air. Ouais. Ce qui est caractéristique de la Norvège. Donc, les Norvégiens embrassent la culture de la nature et vivent le plus souvent à l'extérieur possible. C'est vrai. Le terme a été utilisé en imprimé pour la première fois par un écrivain norvégien célèbre, un dramaturge et poète Henrik Ibsen en 1859. On parle d'animaux maintenant, les lamas domestiqués, qui reçoivent trop d'attention de la part des humains, peuvent souffrir d'un désordre psychologique qui s'appelle le Berserk Lama Syndrome. Oh non! Syndrome de la folie du lama, où les lamas vont voir leurs propriétaires comme des lamas. Ils vont en fait devenir plus violents et plus agressifs envers eux. C'est trop proche de lui que tu vas finir par lui ressembler, il va pas t'aimer. Ah, pauvre petit lama. Ouais. Les girafes peuvent dormir seulement 30 minutes par jour. Ah ouais, je savais pas. Pas peuvent dormir, mais des fois dorment seulement 30 minutes par jour. On pensait en fait jusqu'aux années 50 qu'ils ne dormaient pas du tout et qu'ils se mettaient, en fait, ils se mettent à genoux pour boire de l'eau une fois par quelques jours. De tous les mammifères, les girafes sont celles qui dorment le moins longtemps. Intriguant. En 2013, un hôtel de 40 étages à Tokyo est disparu. Il a été démoli sans explosifs et sans boule de destruction, les wrecking balls. Les planchers, les étages ont été désassemblés par une petite grue à l'intérieur de la bâtisse. Ben voyons là. Ouais, il y a même un gif animé, un time-lapse. Ouais, c'est ça, je regarde. Ouais, c'est l'hôtel qui disparaît d'étage en étage. La compagnie de construction Taisei Corporation a développé une forme de démolition de bâtisses qui est beaucoup plus silencieuse, beaucoup bien meilleure pour l'environnement en fait que les méthodes traditionnelles. Et ça n'a même pas de wrecking ball ou d'explosifs. Ça s'appelle Ecological Reproduction System, le système de reproduction écologique. En utilisant une grue, les matériaux de l'intérieur de la bâtisse sont enlevés. Donc les beams, comment on appelle ça, les beams, le ciment, les trucs comme ça, donc tout ça est défait un petit peu comme une ligne d'assemblage de pièces, mais à l'inverse. Donc on défait la structure morceau par morceau, étage par étage, et les compagnies s'assurent que tous les matériaux soient réutilisés, recyclés, et donc c'est ça, utilisés pour d'autres raisons. C'est quand même vraiment cool. Vraiment. On a quelques petits derniers en rafale. Tiens, quatre derniers en rafale. Le président Roosevelt aux États-Unis est tombé dans les pommes pendant qu'il était sur le plancher pendant qu'il était en train d'être peint. Il n'a jamais repris conscience, il est mort. Donc la peinture qui n'a jamais été terminée capture ses derniers moments éveillés. Vous pouvez voir la photo sur assemblagerequis.com. On voit sa tête, le début de son collet, mais pas le reste de son habit. Mon Dieu, c'est vrai. Ouais, à Liverpool, la première ville à ouvrir, a annoncé une voie piétonnière pour ceux qui marchent plus rapidement. Donc, c'est une réponse aux gens qui se plaignaient, que les gens placotaient sur le trottoir, qui regardaient leur téléphone. Mm-hmm. Donc, c'est dans une place où on magasinait à St. John Street. On a fait une allée, une voie pour les gens qui marchent rapidement. L'effet Ramsey, le Ramsey Effect, dit qu'à chaque fois que le joueur de soccer Aaron Ramsey fait un but, quelqu'un de célèbre meurt en quelques jours mais après. Non, arrête. Ouais, des victimes du Ramsey Effect, Osama Bin Laden, Whitney Houston, David Bowie et plus récemment Nancy Reagan sont morts après que Aaron Ramsey ait fait un but. Hey, c'est triste. Ouais, mais en même temps, c'est aussi un hasard de faire les buts. Ben oui, c'est ça, là, on s'entend. Une femme chinoise recherchée pendant 10 ans et présumée morte a été trouvée dans un café internet. Elle s'était enfuie de la maison à l'âge de 14 ans. Elle était très bonne au jeu Crossfire, donc d'autres joueurs l'ont payée pour la regarder jouer. Elle dormait dans les cafés internet et dans des bains publics jusqu'à ce qu'elle ait été trouvée à l'âge de 24 ans, 10 ans plus tard. Toujours en Chine. Ouais, et 10 ans plus tard. Incroyable. Donc voilà, c'était un fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Au retour de la pause, Tania Baudin. Ouh, va vous divertir. Lala. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes assez pour l'écouter. C'est fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki, on se le dit 14 mars 2016, il est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, justement, Tania va nous divertir. Oui. Mais avant ça, une petite chanson, on n'a pas eu depuis le début de l'émission. Ouais, hein? Et voilà. Écoutons Bernary, voici toujours, toujours, sur C'est fou. 89 FM. C'était Bernary, la pièce Toujours, Toujours à Assemblage Reiki. On écoute une autre pièce avant le retour de Tania. Is gonna entertain. Voici Mess Around, Cage the Elephant. 89 FM, c'est fou. California. Mess Around par Cage the Elephant. Maintenant, parlant d'une fille qui niaise pas avec les affaires, hein? Voici Tania Baudin. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. And she's gonna entertain. Salut Tania. Hey, salut. Hey, ça va? Ça va bien, ça va bien. T'as l'air en forme, là? Ouf. Hey, j'essaye, honnêtement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tantôt, on parlait du fameux décalage. Ben, décalage. Ouais. On a avancé l'heure de simplement une heure. Tout à fait. Mais là, même ce matin, là, tu m'as vu, je m'endors. Dans le fond, on a perdu une heure de sommeil. Oui, c'est ça. On a perdu une heure de sommeil. Eh ben. Puis hier, je me suis couchée. Tu sais, dans ma tête, c'est comme s'il était simplement 11 heures. Ouais. Mais il était minuit. Donc, c'était ce matin, minuit. Quand parce que tu n'avais pas changé ton cadran, c'est ça? Non, non. Je l'avais changé. Par contre, si tu prends en considération le fait qu'on a avancé l'heure, mais là, il est rendu 11h, mais la veille, il était comme... Tu sais, il est minuit, mais c'est comme s'il était 11h dans notre cerveau. Mm-hmm. Donc, je n'étais pas tant fatiguée que ça. Fait que je me suis dit, ah, c'est correct, là, encore un petit 15 minutes. Mais ce matin, par contre, j'avais pas calculé que quand je me levais à 5h30, c'est comme si dans ma tête, il était 4h30. Ouais, OK, je comprends. Hey, c'est le même pour moi, cette histoire-là. Ouais. Ouais, pour mon cerveau aussi. Je laisse mes horloges se changer tout seul, puis je pense pas. Ah, c'est ça. Bref, Tania, aujourd'hui, on parle de ta vésicule biliaire. Personnellement, la tienne. Mais pas personnellement la mienne. Ah. Je vais vous parler de l'organe de la vésicule biliaire. Parce qu'on en a déjà parlé en onde, on en a ri surtout, quand que j'ai déjà parlé de l'appendice, puis tout ça, que j'ai plus ma vésicule biliaire. Puis que tu l'as perdue, elle est tombée à terre. C'est ça, assez volatilisée. Si quelqu'un l'a vu, 819-376-5183. Ça serait gentil de la ramener. Non, c'est pas vrai, je me suis fait faire une ablation de la vésicule biliaire. Puis, je m'étais jamais vraiment posé la question, qu'est-ce qu'une vésicule biliaire? Ouais. À quoi ça sert? Je sais qu'on me l'a enlevé, d'attitude, puis je vivais bien avec ça. Donc, je me suis comme posé la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça change sur notre vie si jamais, justement, on doit en avoir une ablation. Donc, c'est de quoi je vais vous parler ce matin. Je vais vous présenter la vésicule biliaire. Enfin. Vésicule biliaire publique, vésicule biliaire, voilà, c'est fait. Wow! T'es bonne. Ça t'est bien dit. Oui. En fait, c'est pas très, très compliqué. Là. La vésicule biliaire, c'est un organe, bien évidemment. C'est un organe creux qui est situé dans l'abdomen, très, très, très près du foie. En fait, la vésicule biliaire va être collée sur le foie. Par contre, lorsqu'on va, exemple, arriver pour toucher, un médecin va pouvoir nous palper. Si jamais on va à l'hôpital, il va pouvoir palper notre foie. Par contre, la vésicule biliaire, c'est impossible de la palper parce qu'elle est comme en arrière du foie. Elle est vraiment collée contre le foie. Puis c'est ce qui fait que bien souvent, on va penser que c'est tout simplement le foie qui est enflé. Mais bien souvent, ça va être la vésicule biliaire qui va être enflée, qui va faire en sorte que ça va pousser le foie sur notre abdomen et c'est là que ça va faire mal. Par contre, comme je vous le disais, la vésicule biliaire, ça fait partie des voies biliaires qui est reliée par le conduit cystique. Qu'est-ce que le conduit cystique? Je me suis dit que j'allais quand même pas vous laisser comme ça dans dans le néant. Mais je veux pas faire des blagues de chapelle cystique. Non, on fait pas ça. Ça serait terrible, surtout avec ce qui suit. En fait, le conduit cystique, ça permet au moment des repas de faire l'évacuation de la bile qui, elle, est stockée dans la vésicule biliaire. Donc, le mot le dit un petit peu, là, la vésicule biliaire, c'est là où que la bile va être stockée. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure à quoi sert la bile, parce que c'est un petit peu une des fonctions de la vésicule biliaire. Donc, en fait, l'obstruction de ce fameux conduit-là, si jamais on arrive à avoir des pierres, comme on appelle à la vésicule biliaire, eux appellent ça des calculs vésiculaires. Ça s'appelle différemment, je ne sais pas pourquoi. On n'aime pas les maths. Mais ça s'appelle des calculs vésiculaires. Et si vraiment ces espèces de petites pierres-là vont obstruer le conduit cystique, c'est là qu'on va avoir des crises qui sont vraiment très douloureuses, des coliques hépatiques, ce genre de trucs-là. Je vais vous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'une colique hépatique, clairement. Donc, pour ceux qui ont peut-être des questionnements par rapport à leur abdomen, pensez pas que c'est nécessairement votre foie. C'est peut-être juste la vésicule biliaire derrière le foie. Puis des fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi une vésicule biliaire non, et qui en ont une. C'est juste pas leur donc, abdomen. C'est abdomen. Ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, « j'ai mal à l'intestin » ou quelque chose comme ça. Au milieu ça. Du corps. C'est ça, ça exactement. Se passe dans ce coin-là. Ouais. Ça se passe, en fait, ça se passe du côté droit. C'est vraiment près du foie. Ça se passe à du côté... droite. Okay. Oui, à droite. Ouais. Près du nombril. OK. Tu peux faire la distance entre ton pouce et ton... Ben, je vous disais que l'appendice, c'était le fameux pouce, petit doigt, vers le bas. Oui. Là, c'est vers le haut. OK. Ah. Donc, si vous y allez avec le nombril, ça va être vers le haut, puis c'est vraiment quand même la même distance que l'appendice. Eh ben. Donc, bien souvent, ce qu'on va vérifier lorsque vous arrivez à l'hôpital avec une douleur à l'abdomen de ce côté-là, c'est soit justement l'appendice ou la vésicule biliaire, parce que les deux sont très, très près. Mm-hmm. Donc, on va essayer de gérer la crise de quel organe il s'agit. Ouais. Donc, comme j'ai dit, c'est un organe qui est creux. C'est piriforme, donc c'est en forme de poire. Ça a une couleur gris-bleu. Je ne savais pas que c'était gris-bleu. J'ai fait la stupide idée de taper vésicule biliaire dans Google Images. Faites pas ça, sérieusement. C'est, pas à cette heure-ci le matin. C'est vraiment pas à cette heure-ci. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Et sachez aussi que la mesure d'une vésicule biliaire, on va vraiment pouvoir en prendre la considération à l'âge adulte. Avant ça, c'est trop petit. Par contre, rendu à l'âge adulte, ça fait 7 à 10 cm de long. C'est pas très, très gros, là. Mm-hmm. Ben, quand même, en fait. Ben... Ouais. Ben, c'est comme un décimètre. Comme un décimètre, c'est ça que je veux dire. 7 à 10 cm de long pour 3 cm de large. OK. Donc, c'est comme une règle, en fait. Ouais, on avait ça au primaire, ouais. Des règles de décimètres. Ça ressemble à ça un petit peu. Même côté largeur, ouais. Là, c'est 3 cm de large. Puis, ça a une capacité de 500 millilitres en moyenne. Ah. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est ça... un demi-litre, ça? Ben oui, c'est ça. Que ça stocke la vésicule, la bile. Donc, ça a quand même une bonne capacité. Et c'est situé dans l'abdomen, comme je le disais. C'est un organe sous-hépatique accolé au foie au niveau du lit vésiculaire. Là, si on n'a pas d'image, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais tout ça pour dire que tout à l'heure, je vous disais que c'est à côté sur le foie. C'est vraiment à côté sur le foie. Vous ne pouvez pas vraiment en faire la distinction comme ça, simplement à toucher. Vous n'allez pas y arriver. Là. Vous ne pouvez pas toucher votre vésicule biliaire comme vous pourriez, exemple, toucher votre... qu'est-ce qui enfle ici à gauche? Je me souviens plus. Je sais pas. C'est... en tout cas. Non, je peux pas t'aider. La rate quand elle enfle, vous pouvez lui toucher. Par contre, la vésicule biliaire, c'est impossible de faire ça parce que c'est vraiment caché sous le foie. Ouais. Elle est recouverte aussi de péritoine. Qu'est-ce qu'une péritoine? Bien, c'est simplement une pellicule qui va venir garder avec des sécrétions de molécules et d'antibiotiques de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Je veux pas dire de bibites, mais de bactéries ouais. qui viennent s'attaquer à l'organe. Donc, c'est recouvert de ça. En temps normal, notre abdomen au grand complet est recouvert, mais on a une couche de plus sur la vésicule biliaire parce que, justement, on traite de bile et ça, c'est très, très, très acide. Donc, de ce côté-là, on va faire une espèce de protection naturelle double pour ce qui est de la vésicule biliaire. Donc, la vésicule biliaire appartient aux voies biliaires, comme je le disais tout à l'heure. C'est tout le système digestif qui va vraiment rentrer en ligne de compte. Puis, c'est relié, comme je le disais, par le conduit cystique. Allonge la partie antérieure du conduit pour joindre la partie supérieure. Donc, vraiment, elle va rejoindre tout le reste de ce qui est digestion dans notre corps. Puis, c'est vraiment ça qui va aider au plus haut point de notre digestion, que ce soit pour tout ce qui est gras, tout ce qu'on va manger qui va être super sucré. C'est vraiment ce qu'on crée dans la bile, les bactéries puis les minéraux qu'il y a dans la bile naturelle qui vont faire en sorte que votre digestion va être beaucoup plus facile à faire. Donc, tout à l'heure, je vais vous en parler, mais lorsqu'on n'a plus de vésicule biliaire, en théorie, notre digestion est beaucoup plus difficile de se faire naturellement. Et c'est drainé aussi par de multiples veines qui se jettent dans des veines post-segmentaires du foie. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment... c'est juste pour expliquer que c'est une petite poche, en fait, qui est en forme de poire, qui est vraiment très, très reliée au foie, puis à l'intestin, puis au système digestif. Ça c'est relié par plusieurs conduits. Puis tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut se produire avec ces fameux conduits-là. Mm-hmm. Je parlais de la fonction de la vésicule biliaire tout à l'heure. Ça fait quoi exactement une vésicule biliaire? Bien, comme je le disais, ça stocke et ça concentre la bile qui est produite par le foie. Donc, automatiquement, notre foie va produire cette fameuse, ce fameux liquide jaunâtre, verdâtre-là. Parfois, c'est quand on a une gastro, exemple, quand on est très malade, une indigestion alimentaire, ça va nous arriver d'être malade, d'arriver au point où on n'a plus rien dans l'estomac, mais que là, on va être encore être malade et c'est ce fameux petit liquide jaunâtre, verdâtre-là qui va sortir. Charmant. Exact. Puis ça va vous brûler, là, au niveau de l'œsophage. Bien, sachez que c'est ça, la bile. En fait, c'est que c'est ce fameux liquide qui aide à la digestion et ça aide, c'est nécessaire à la digestion parce que la bile est composée de mucus, de pigments biliaires, de sels biliaires, de cholestérol et de sels minéraux. Puis c'est ça en fait qui est la combinaison idéale pour faciliter la digestion. La bile va agir comme une espèce de savon pour dissoudre tout le gras que vous avez à l'intérieur de votre intestin et de votre estomac. Donc de ce côté-là, la bile, c'est vraiment très important dans un corps. Par contre, lorsque vous avez plus de vésicule biliaire, sachez que votre bile est encore produite. Okay. C'est tout simplement qu'elle va être directement jetée dans votre intestin grêle. Elle ne passera plus par la vésicule biliaire parce qu'automatiquement, vous n'en avez plus. Donc, le foie va automatiquement le diriger vers l'intestin grêle. Ce qui arrive, c'est que si jamais vous êtes malade, ben, elle n'a plus le réflexe de remonter parce qu'elle est déjà à l'endroit où elle doit être. Donc, de ce côté-là, c'est si jamais vous êtes malade, bien, vous allez voir que vous allez avoir le réflexe d'être malade. OK, mais ça se produira pas. Sans avoir absolument rien qui va sortir, c'est parce que votre bile est déjà rendue à l'intestin. Wow. Ouais. Ça doit être plaisant, ça. Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à une ablation de la vésicule biliaire? Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des problèmes de vésicule biliaire? Mais tout à l'heure, je vous disais que c'est relié directement avec tout ce que l'on mange, toute notre alimentation. Le stress aussi y est pour beaucoup. Si jamais vous êtes une personne qui est très, très, très stressée, si vous fumez extrêmement beaucoup, souvent, on va dire tu vas avoir des problèmes de foie, tout ça par rapport à la cigarette. Mais sachez aussi que vous pouvez en avoir à la vésicule biliaire. Ça peut créer des pierres, comme je disais tout à l'heure, des calculs qui vont venir obstruer votre vésicule biliaire. Et là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la bile ne peut plus sortir de la vésicule biliaire pour aller aider à la digestion parce que les calculs vont venir obstruer les endroits où c'est censé sortir. Donc, de ce côté-là, votre vésicule biliaire va grossir parce que la bile, elle est tout le temps produite. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment ce qui va être problématique, c'est que la bile ne sortira pas. Et c'est là que vous allez commencer à avoir des douleurs assez extrêmes. Ouais. Merci. Donc, de ce côté-là, comme je le disais, pourquoi on en arrive à une ablation de la vésicule biliaire? Mais il y a des gens que ça va être parce qu'ils ont une alimentation trop grasse. Il y a des gens qui vont avoir une alimentation trop saine. Okay. Il n'y a pas assez de cholestérol pour venir produire le cholestérol de la bile. Donc, de ce côté-là, ça peut tout simplement être un problème de productivité de la bile, c'est qu'il va vraiment manquer ce fameux cholestérol naturel-là. Problème d'alcool, s'il y a des gens qui prennent de l'alcool de façon extrême, sachez que c'est calculé en temps normal comme une acide à détruire par la bile. Donc, de ce côté-là, oui, le foie va en prendre une grande partie, mais la vésicule biliaire va vraiment venir ajouter au foie une partie de la bile qui va aider à détruire cet alcool-là. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'alcool ou vous êtes une personne qui comment on dit ça, le coude haut? Je sais pas, oui. C'est ça, hein? Ouais, le coude haut. Ouais, qui est le coude haut. Calme beaucoup, ouais. Sachez que ça peut amener à des problèmes de vésicule biliaire, donc faites attention de ce côté-là. Ce qui est fun, c'est que c'est comme un jeu, on peut deviner ce que t'as eu, mais personne va le dire en nom. Exactement. On sait pas, c'est lequel. Non. La cigarette, si le stress, si la gorge, aucune idée. T'sais. On sait pas. Aucune. On sait pas. Non. L'ablation d'une vésicule biliaire, sachez qu'en temps normal, ça se produit tard dans une vie. Ça va se produire vers les 40, 50 ans, parce que justement, on a déjà, à partir de là, une bonne partie de notre vie de fait. On a déjà accumulé plusieurs rythmes de vie. De l'expérience. C'est ça, exactement. tout dépendant de ce qu'est le problème pour nous. Donc, si jamais vous êtes une personne qui se fait enlever la vésicule biliaire jeune, sachez que c'est pas extrême comme cas, mais c'est probablement parce que vous aviez une consommation de quelque chose assez élevée de ce côté-là. Et sachez aussi qu'il y a 20 % de la population qui se font faire des ablations de la vésicule biliaire. Ouais. Donc, vous n'êtes pas seul. Et sachez... Tu n'es pas seul. Oui, c'est ça. Vous n'êtes une pas seul. Une sur cinq. Il y a aussi deux fois plus de chances que vous deviez vous faire enlever la vésicule biliaire si vous êtes une femme. Ah. Parce qu'en fait, il arrive parfois que c'est une modification hormonale, donc exemple pendant une grossesse, puis que ça va faire, ça va amener des complications aux éléments de la bile. Et à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que la bile va cristalliser. Donc ça va faire par elle-même des pierres à la vésicule biliaire. Mmh. Et là, de ce côté-là, c'est un petit peu moins le fun lorsqu'on est enceinte et on doit se faire faire une ablation de la vésicule biliaire, mais ça peut arriver bien souvent. Et ils disent que c'est le cas que l'on va voir le plus courant, ça où les personnes atteintes d'un certain âge, là, exemple 60-65 ans, qui se font enlever la vésicule biliaire. Parce qu'en temps normal, comme je l'ai dit, c'est les hormones qui vont venir jouer sur la modification de la bile à l'intérieur de vous. Comme je le disais, ça peut contenir principalement du calcium, du cholestérol, des pigments biliaires. C'est très, très mixte, tout ce qui va se retrouver dans votre vésicule. En temps normal, c'est un petit peu comme un composé de tout ce que vous mangez qui va venir vraiment faire un mix qui va aider à votre propre digestion. Tantôt, je parlais de coliques hépatiques. Ouais. Bien, j'ai deux cas de maladies, si vous voulez, de problèmes de vésicule biliaire qui arrivent très fréquemment. Ce sont les deux qu'on voit le plus courant. Donc, si jamais vous reconnaissez là-dedans, bien, faites attention. Donc, la colique hépatique, bien, ça a pour origine la formation de calculs biliaires, donc les petites pierres dont je vous parlais, dans la vésicule. Et en fait, ce que ça arrive, c'est que ça va venir vraiment obstruer le canal cystique, le fameux canal que je vous disais qui envoie tout ça à votre digestion. Et c'est au moment du repas que l'obstruction de canal va vraiment empêcher la bile d'emprunter le tube digestif. Donc, vous allez déjà être en train de manger, puis vous allez commencer à avoir comme un espèce de sentiment de brûlement d'estomac à ce moment-là. Vous allez vous dire, ben voyons, ce que je mange, ça doit être trop épicé. Si vous êtes genre à manger très, très, très épicé, bien, sachez que ça peut augmenter le cas de calcul biliaire dans votre vésicule. Donc, faites attention aussi de ce côté-là. Puis, la personne atteinte va bien souvent devoir composer avec une crise de douleur qui est assez extrême, comme je le disais. Ça va durer quelques heures, puis ça va s'arrêter spontanément. Mmh. Ça peut revenir parce que ça va dépendre de la grosseur de votre pierre dans la vésicule. Et généralement, cette douleur-là va se situer sous le diaphragme. Donc, c'est pour ça que bien souvent, vous allez penser que vous avez des brûlements d'estomac. C'est que vous allez vraiment ressentir la douleur en dessous du diaphragme et ça va aller jusqu'à l'épaule droite. Ah oui, OK. Vous allez avoir comme une espèce de pression dans l'épaule droite. Vous allez vous dire, ben voyons, j'ai jamais eu des brûlements d'estomac qui me donnaient mal aux épaules. Mais c'est vraiment ce qui arrive parce que ça... Je sais pas en fait pourquoi ça fait ça, mais ça enfle du côté droit de votre corps. Donc, automatiquement, l'épaule va vraiment venir avoir une espèce de pression assez grande et très désagréable. Agréable. Le deuxième cas que vous allez pouvoir voir aussi, c'est la cholécystite. La cholécystite, en fait, c'est que la personne qui est atteinte de troubles de vésicule biliaire peut également souffrir de cette maladie-là. C'est des malaises qui se traduisent par une douleur vive dans la même région, généralement accompagnée par une fièvre qui va être très, très, très subite et très, très, très grande. Là. Vous allez voir que vous allez vraiment pas filer. Vous allez bien filer, puis boum, vous allez vraiment pas bien filer. La douleur dure plusieurs heures. Sans traitement, la cholécystite peut se transformer en péritonite. Et ça, c'est une inflammation du péritoine. Donc, c'est vraiment l'inflammation de la vésicule biliaire. Et bien souvent, c'est là qu'on va devoir avoir une ablation de la vésicule biliaire. C'est parce qu'il va y avoir une grosse, grosse pierre qui va se former, qui va venir vraiment obstruer non seulement un canal, mais qui va venir se coincer entre l'intestin grêle et le côlon, ce qui va provoquer une occlusion et voire un risque de choc septique. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre, exemple, des brûlements d'estomac ou quoi que ce soit, parce que sachez que la colique hépatique amène la cholécystite. Et si vous voyez que vous filez vraiment pas, ben attendez pas des heures. Rendez-vous directement à l'urgence et bien souvent, ça va prendre pas beaucoup de temps que vous allez être rendu sur une civière pour vous faire faire une ablation de la vésicule biliaire parce que c'est très, très, très dangereux justement pour les chocs septiques parce que ça vient vraiment obstruer tout ce qui aide à la digestion de votre corps. Donc, peu importe ce qui arrive, c'est que vous avez un manque à ce niveau-là et ça enfle et ça peut exploser Et si ça explose, il y a automatiquement c'est un empoisonnement intérieur à la bile. Donc c'est, on y espère que ça. C'est ça. On veut pas se rendre là, mettons. Voilà. Hey, hein, ça, c'était débile comme chronique. Bill Cosby. Hey, hein? Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Remplis les formations comme toujours. Qu'on apprend des choses ce lundi matin. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Alors, autour de la pause, on va continuer d'apprendre un petit peu avec Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire politique. Restez là. C'est assez. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Écoutez Assemblage Requis en ce lundi 14 mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh, absolument, absolument. Et maintenant, voici qu'il arrive cet homme, cet analyste politique qu'on pourrait appeler. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ben oui. Moi, en tout cas, j'aime ça le dire de même. Puis c'est bien moi qui décide. Hein? En effet. C'est ça. Donc voici Samuel Girard. Et c'est quoi ton intro déjà? Ah, c'est. J'ai pas renommé encore ton intro. C'est peut-être le moment à un moment donné. Tu sais, les gens, des fois, remettent à plus tard les choses. Ça, tu le fais souvent. Son thème s'appelle encore « Outro within temptation, see who I am ». C'est comme je le cherche chaque fois. C'est Samuel Girard et sa chronique, tout de suite. Salut Samuel! Hey! Ça va? Ben oui, ça va, vous autres aussi? Absolument, merci d'être là! Super, ben ça fait plaisir! Comme toujours! Savez-vous ce qui déboussole encore plus qu'un intro pour renommer comme du monde? Quoi? Le changement d'heure! Absolument! Ceux qui regardent l'horloge en studio, principalement, c'est marqué encore 7h39. Hey, je rentrais un matin, là, je me disais que j'étais vraiment de bonne heure, c'était marqué 6h. Aïe, aïe! Non, et ouais, c'est. Non, j'avais peut-être quelques correctifs à faire sur l'horloge. Peut-être. Je la regarde jamais sur l'horloge, c'est pour ça que je pense pas. Mais bref, donc, Samuel Girard, on parle de politique québécoise, canadienne, de sciences, d'ingénierie, de trucs comme ça. Toutes sortes d'affaires. Ouais, c'est ça. Je voulais m'amuser un matin, j'ai quand même plusieurs choses. Ah, génial, un petit ragoût. C'est ça. Petit fait, quelqu'un, avant qu'on commence, je parlais de changement d'heure, mais c'est incroyable comment que je me suis astiné avec des Européens. Par rapport au décalage horaire, je suis comme non, c'est 6 heures. Il dit non, 5 heures. Je suis comme, voyons, pourquoi tu dis 5 heures? J'ai, ah, ben oui, on a avancé à l'heure, puis pas eux autres. Oui, c'est ça. C'est vrai, pas tout en même temps. Ouais. Donc c'était moi qui étais dans l'erreur. C'est encore plus mélangeant. Habituellement, il me semble, c'est ça. C'est 6 heures. 6 heures, ouais. Ouais. Parce que j'ose beaucoup avec des gens de la France, la Suisse, l'Allemagne, bon, des personnes comme ça. Et c'est ça, c'est tout à 6 heures de décalage. Mm-hmm. Mais en fin de semaine, c'était plus ça. Non, c'est n'importe quoi. Puis il y a des parties du monde où ils avancent pas leur heure du tout. Puis ça devient encore plus mêlant. Oui, c'est ça, exactement. Bref, ouais. J'ai beau chercher, je comprends pas pourquoi qu'aujourd'hui on fait encore ça. Il y a une excellente capsule de l'émission Last Week Tonight sur HBO qui a... Et expliquer tout ça, puis c'est bien le fun d'aller voir sur YouTube. Last Week Tonight, Time. Je sais pas trop quoi. C'est bon, mais je suis content de savoir qu'il y a ça. Ouais, il y a ça. Parce que j'ai beau chercher, moi je sais qu'avant c'était justifiable, aujourd'hui je comprends plus trop pourquoi, mais en tout cas. Je vais aller vous poster les liens sur la page Facebook, ça va être fait. C'est bon ça. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un... Ben en fait, ça va être lourd un peu, donc c'est pour ça que je vais commencer avec ce sujet-là. Donc cette semaine, en fait, il va avoir une conférence. Donc je vais juste essayer d'aller chercher. Bon, c'est « Sexe, féminisme et culture du viol » expliqué par Corias. Mm-hmm. Donc ça a dû être mentionné à plusieurs reprises. Donc la fameuse phrase « Sans oui, c'est non ». Mm-hmm. Et il faut croire que la Coalition des Québec a décidé aussi de respecter ce thème-là qui semble populaire ces temps-ci en faisant une proposition. Je vais juste sortir le terme exact de qu'est-ce qu'il propose. Donc, la CAQ veut abolir le délai de prescription pour les victimes d'agressions sexuelles. OK? En gros, c'est quoi? C'est que si quelqu'un veut porter plainte pour quelque chose qui est arrivé avant 2010, ben tant pis pour toi. Avant, OK, fallait le dire avant. C'est ça. OK. OK. Ouais. Je trouve ça complètement dégueulasse comme règle. Je sais pas qui a instauré ça. C'est un peu au hasard, on dirait, genre, avant 2010. Ben, je pense qu'ils ont fait une réforme de la loi à ce moment-là, puis pour pas mêler quelqu'un qui porterait plainte dans le nouveau système par rapport à quelque chose qui aurait eu sa place dans l'ancien système, ils ont dit, ben, regarde, à partir de là... Ah, mais c'est pas les impôts, là, c'est du... C'est... Ouais. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, je trouve ça franchement dégueulasse. Ouais. OK, je veux dire, quelqu'un... Premièrement, est-ce qu'on s'entend pour dire que quand il t'arrive quelque chose de plate de même dans la vie, si je peux dire ça comme ça, c'est pas évident d'en parler. C'est pas évident d'entamer les démarches pour faire une plainte puis de s'en aller en cours avec ça. Mm. OK? Il y en a qui ont besoin de temps. Il y en a qui ont besoin, des fois, que quelqu'un d'autre en parle. Et des fois, ils ont besoin d'avoir passé à d'autres choses avant de pouvoir ramener ça. Il y a plein d'étapes à suivre pour passer à travers de ça. Absolument. Et il y a un moment donné dans la vie de quelqu'un où une des étapes à franchir peut être de finalement porter plainte pour que justice soit rendue. Ça peut prendre en effet 6-7 ans maintenant. Et ça peut prendre plusieurs années avant d'atteindre dans notre tête cette étape-là. Ouais. OK? Donc, une règle comme ça, 2010, j'en reviens juste pas que ça existe. Même quelqu'un qui voudrait porter plainte, quelque chose qui est arrivé il y a très très très longtemps, des fois le système de justice va dire non, regarde, ça fait trop longtemps, oublie ça. Et encore pire que ça, des fois, pour porter plainte, quand tu portes plainte, il y a un délai à respecter pour que le procès ait lieu. Mm. Mais des fois, c'est tellement lent, le système de justice, que c'est tout le temps reporté, à un point tel qu'à un moment donné, ben, la personne est acquittée parce que les démarches ont été trop lentes. Ouais. Ça aussi, c'est franchement dégueulasse. On n'en parle pas là-dedans, mais c'est des cas que je remarque. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je comprends même pas pourquoi que ça existe. Mm. Okay? Donc, je trouve ça bien. Donc, la Coalition des Québec, ils décident de s'attaquer à ça. J'espère qu'ils vont pousser ça plus loin que juste la fameuse base du 2010. Parce qu'il y a beaucoup d'autres points aussi qui sont frustrants pour les personnes qui veulent dénoncer. Et qui font en sorte parfois qu'une personne va juste refuser de dénoncer parce que le système laisse tout simplement tomber les victimes. OK? Ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est ça. Donc, en gros, c'est le député de Bordua. Je sais pas si je prononce comme du monde. Je trouve que j'ai avec ce nom-là. Je sais pas si le S, il se prononce ou pas. Je crois que non. OK, c'est bon. Donc, c'est Simon Jolin Barrette qui a décidé de prendre le dossier et de l'amener publiquement. Mm. Donc, c'est ça. Mais la CAQ étant la deuxième opposition, ça se pourrait aussi qu'on n'en entende plus parler. OK? Ça, je vous l'avais expliqué un petit peu dans mon histoire de pertinence du troisième parti. Exactement. Donc, ça, c'est le genre de choses qui peut arriver que, justement, ça va peut-être juste tomber dans l'oubli, tout simplement. Ce qui serait un peu triste. Oui, ben oui. Et c'est pas les premiers projets qui sont amenés par l'opposition, que ce soit le Parti québécois ou la Coalition des Québec, qui va juste passer dans... Comment dire? On en parle, il y a un des articles là-dessus, puis à un moment donné, whoops, ça n'existe plus. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est ce qui est parfois dommage d'avoir un parti majoritaire. Quand que l'opposition amène de bonnes idées, ben on paye pour. Ouais. Par contre, de l'autre côté, je pourrais dire aussi que quand que le parti au pouvoir apporte quelque chose de bon et que les autres partis peuvent le bloquer, j'ai de la misère avec ça aussi. Parce que des fois, on sait que l'opposition, leur seul but, c'est de s'opposer. Ben oui, peu importe. C'est ça. Quand je vois passer des projets comme ça, je commence à comprendre de plus en plus le panel d'analystes politiques qui répète très souvent que la CAQ agit beaucoup plus comme l'opposition officielle que le Parti québécois. Okay. Parce que des articles comme ça où on voit la CAQ amener un projet de l'avant, j'en vois beaucoup plus passer que le Parti québécois. Est-ce que c'est parce que tu suis plus de sources qui sont... Ben non, parce que là, pourtant, je suis sur Journal de Montréal. Caquino la planète. Ouais, c'est ça. Donc, si à la limite, j'avais pris ça sur le site de la CAQ, je vous dirais oui. Ça doit être parce que je vais voir plus souvent le site de la CAQ, que je vois plus de projets comme ça passer. Mais non, c'est un média généraliste. C'est un média très généraliste, même souvent qu'il néglige le troisième parti. Ah, OK. Et pourtant, je vois quand même plus de choses passer, des propositions comme ça. Ouais. Bon. Alors, il y en a qui me diraient que non, le Parti québécois en propose en masse des affaires, c'est juste qu'ils le disent pas. Ben, et on va le dire, les médias généralistes ou pas choisissent ce qu'ils veulent avancer comme projet. C'est en plein ça. Parce qu'ils savent que ça va faire parler, tu sais. C'est surtout que dans les universités, récemment, on a comme une espèce de d'éclosion de ça, des cas comme ça où que justement les gens, les filles se sont fait agresser sexuellement. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est pas un projet qui va tomber entre deux chaises, au contraire, parce que le Parti libéral est quand même touchée par ça. Puis je pense que ça se produit partout, pas aux États-Unis, mais ici au Québec comme au Canada. Donc de ce côté-là, ça va se faire de façon, j'ai comme l'impression, provinciale, mais aussi fédérale. Parce que ça se voit à grandeur du Canada présentement. Il y a plusieurs cas qui ressortent. Et les gens vont continuer d'en parler dans la communauté, donc ça va forcer les politiciens à agir un petit peu plus, peut-être. Gomeshi. Oui, exactement. C'est ça. Bon, quoi que finalement, il y aura aucune conséquence à ces gestes. Finalement, c'est sorti? Ben non, c'est pas sorti, mais ça s'enligne drôlement vers ça. Présume ça. Ouais. C'est ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les victimes se sont nuit eux-mêmes. C'est un peu triste comme histoire effectivement, ça a pas de sens comme comportement. Absolument pas. Mais c'est parce qu'à quelque part, je suis content aussi que... En même temps, je suis un peu content que ça se fasse de même parce que ça montre aussi le comportement des femmes en question qui étaient victimes, qui a pas d'allure. Ouais. Je veux dire, quand tu te fais faire de quoi de même, ne retourne pas vers ta victime. Vers ton agresseur. Ouais, je veux dire, dans le bon sens, ça va aller mieux. Donc, bref, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis, je trouve ça toujours triste, des histoires d'agression comme ça. Je sais même pas comment que ça peut se faire, mais regardez, ça se fait pareil. C'est ça, c'est la réalité. Hein, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est ça. Ouais. Sinon, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a eu de spécial? On a eu une espèce de vague de bromance entre Justin Trudeau et Barack Obama. Ah, ben oui. Je sais pas pour vous autres, écoute, ça va peut-être durer deux minutes, ce petit sujet-là, c'est vraiment une parenthèse que je fais, mais est-ce que c'est moi ou ça n'a absolument rien apporté? Ben, ça l'a apporté une belle visibilité, là, de ce côté-là. Oui. Ben, pour moi, ça n'apporte rien. Moi, je perds d'un point de vue social, politique. Du média social, ça, on s'en fout, là, tu sais. Moi, ce que j'ai... Ouais, je sais pas. J'ai pas suivi trop ça. Tout ce que j'ai vu, c'est les radios de Québec, hein, les célèbres radios de Québec, okay. Et leur débat, leur sondage entre la femme de Justin Trudeau et la femme de Barack Obama. Laquelle pourriez-vous, c'est ça? Avec qui est-ce que vous passeriment une nuit? Oui, ça a été demandé poliment. Ouais, mais ça rend pas la chose moins sexiste. Ben, ça dépend comme j'expliquais. Tu prendrais qui, Barack ou Justin? T'sais, si je te pose la question, c'est ça. C'est ça que je trouve étrange un peu, parce que là, on a vu ça sortir dans les médias, puis gros scandale de faire un sondage du genre. OK, mais il y a quelques semaines, c'était le même sondage qui avait été fait, mais sur quel rockstar est-ce que vous passeriez une nuit? Puis là, on laissait des choix entre des chanteurs légendaires de groupes. En quoi est-ce que c'est différent? Puis pourquoi est-ce que l'autre n'a pas eu de plainte? Ben, je comprends juste pas comment ça fait qu'il n'y ait pas eu de plainte de l'autre côté. D'abord, faites des plaintes pour les deux, pas juste pour un. Ou sinon... Ayez un bon sens de l'humour et dites-vous que c'est très drôle et que ça vient agrémenter. Ces sondages sont faits à l'heure de pointe, quand tout le monde est pris dans le trafic. Donc, c'est des sujets faits pour amuser les gens qui écoutent. Donc, moi, d'un point de vue humoristique, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est juste le deux poids, deux mesures encore. Les deux sondages ont été faits, mais on en parle juste de un. Trouver l'erreur. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas parce que les gens parlent pas de tous les sujets qui sont pas. Tu sais, ça veut pas dire. C'est peut-être parce qu'ils savaient juste pas ou qu'ils sont pas allés voir ce sujet-là. Ben là, okay, d'abord, renseigne-toi. C'est ça. Ouais, tu peux pas être au courant de tout. Je le sais, je suis un bon exemple. Mais parce que je pense aussi que ça passe pas mal mieux aux yeux des gens de demander avec quelle célébrité tu coucherais que de demander avec quelle femme de politicien tu coucherais. Ah, c'est peut-être ça le point, ouais. Tu sais, c'est des femmes publiques. C'est des femmes qui accompagnent leur mari dans tout ce qu'elles font, dans tout ce qu'ils font. Tandis qu'une célébrité, déjà en partant, c'est beaucoup plus vu pour ça. Ouais. C'est vrai, mais de l'autre côté, ça reste des figures publiques. C'est ça. Ouais. Oui, ça, je suis d'accord, mais... En tout cas, bref, moi, ça m'a pas choqué du tout. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez rigolo. Ouais. Ben voilà! Moi, je m'en sac. La variété d'opinions. J'ai aussi trouvé que c'était bien demandé. T'sais, ils ont pas demandé laquelle que tu te ferais. Là. C'est ça. Ils ont demandé avec qui passerais-tu une nuit. Ça peut être une nuit à boire un verre et jaser. Ben oui, Netflix and chill. Ouais. C'est ça, un petit Netflix and chill. Au pire de quoi? Ah, ça c'est un beau lapsus. J'adore ça. C'est, ouais, bon. Ouais, on va faire un raccourci. Non, on va appeler ça juste de même. Parce qu'ici, au Québec, la femme de Justin Trudeau, elle a été beaucoup, beaucoup montrée aussi comme étant une femme qui était très jolie, qui savait bien s'habiller. Ouais, bon, ça, c'est un autre cas. Mais aussi, la femme de Barack Obama, c'est la même chose aux États-Unis. Les gens l'aiment beaucoup. Ils trouvent qu'elle a un beau style, puis qu'elle paraît bien. Donc, de ce côté-là, de faire la comparaison, il fallait s'en attendre. Oui, c'est vrai. Tu sais, on pouvait pas... Tu sais, c'était soit ça ou qui est la plus belle. Oui. Ça allait venir. Ça aurait peut-être été mieux. qui apporte le mieux. Ouais. Mais je pense qu'aux États-Unis, c'était ça leur sondage. Ouais, c'est ça. C'est déjà moins pire, il me semble, mais bon. En tout cas. Regarde, on n'a pas l'aspect, on n'a pas la féministe en chef pour venir régler le problème. Mais de mon point de vue, OK, j'aime ça quand on a un bon sens de l'humour. Puis moi, je pense qu'on a le droit aujourd'hui de faire. Tant que ça reste humoristique, là, je veux pas que ça devienne, vraiment. Souvent, c'est que ça devient comme ce que t'allais dire que je t'ai coupé, mais ça devient ça dans les commentaires. C'est ce qui est plat, parce que la question a beau être la plus. Mais j'aimerais mieux qu'on s'attaque à ça. Oui, ben c'est moi plutôt aussi. Plutôt qu'à enlever un jeu rigolo comme le ça. Le problème est. La façon que les gens réagissent. Oui. Parce que je comprends que oui, d'un côté, on est facilement froissé en 2016. Ça, je pense que. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit mille fois, facilement froissé. Mais de l'autre côté, les gens sont particulièrement morons. Et je m'excuse de le dire, mais. Les auditeurs des radios en général, pas juste de Québec, sont particulièrement morons. Je m'excuse. Ah, mais tu peux appliquer ça sur bien des aspects de la vie. C'est là. Ça, vraiment. Les réseaux sociaux et. C'est ça, exactement. L'anonymité. Les gens snappent très vite. Oui. Mais c'est très, ça, mais moi j'aimerais mieux qu'on s'attaque à ça. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Bon. Ouais. Merci d'avoir ramené ce sujet-là imprévu à matin. Ça te fait-tu plaisir, tu penses? Mais oui, non, mais j'aime ça, tu me demandes de commander quelque chose que j'avais pas nécessairement préparé, donc ça sort spontané, mon opinion en ce moment. Et on partage nos trois notre opinion parce que. Voilà. Who cares, hein? Mais honnêtement. Laquelle vous trouvez la plus jolie? OK, est-ce qu'on répond à ça? Ben, moi, j'aime bien Michel Obama. Ah ouais? Ouais, hein? Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. OK, c'est bon. Attends, je vais me donner un 5 secondes de réflexion, là. Mais, non, je pense que je vais y aller avec... je pense que je vais aller avec Sophie. Ouais. Moi, j'ai comme l'impression qu'on la connaît pas assez encore. C'est vrai. Tu sais, oui, on l'a vu, mais... Tu sais, Michelle Obama, elle a fait des sorties, elle a prouvé son féminisme, c'est ça. Elle parle beaucoup. On n'a pas encore vu Sophie autre que chanter. Fait que de ce côté-là, je pense que j'irais pour Michelle Obama aussi. OK. Deux contre. Okay. Bon, ouais. je vais assumer. Toi, tu la connais pas encore, mais tu veux la connaître plus, c'est ça l'affaire. Je me suis basé sur la dernière photo que j'ai vue des deux ensemble à côté de l'autre. Oui, c'est purement physique, toi. Non, mais quelque chose qui m'avait accroché, c'est que... Je sais pas, j'étais pas fan de la coupe de cheveux de Michelle Obama. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que mon choix tend plus vers là sur la photo que j'ai vue. Mais tu sais, comment dire, je pourrais le lendemain voir une autre photo comme ah non, finalement, OK. C'est ça. Pas de langue, là. Ouais. C'est ça. Non, mais ça reste deux belles femmes de toute façon. Donc, ça peut tout à changer. Tout à fait. C'est ça. Je vais passer à mon volet ingénierie. Mais oui, vas-y. Ah, yeah. C'est ça. Puis j'ai quand même aussi un petit article cocasse dont je vais faire part. Ça, c'est très rapide, mais j'ai quand même trouvé ça drôle. Mais il y a eu un accident avec un véhicule Google. Là. Oui, oui. Ah. Oui. Qui était pour la première fois ever la faute du véhicule de Google. C'est ça. Mais. Parce que les. C'est une bonne chose. Oui, c'est ça, exactement. Donc, d'habitude, quand il y a des accidents impliquant des véhicules Google, le Google est à zéro responsable de l'accident. Okay. 0% responsable. Donc, ça va être exemple, l'autre véhicule qui a passé sur un feu rouge, qui a brûlé un stop, tout à des choses comme ça. Un changement de voie alors qu'il n'a pas fait son angle mort, c'est tout le temps ça. Alors que le véhicule Google, il se faisait ramasser puis c'était pas de sa faute. Mais là, ce coup-ci, ça l'était. Donc, en fait, c'est le véhicule qui voulait faire un changement de voie et c'était un autobus qui était dans la voie. Mais le véhicule de Google était programmé pour que l'autobus fasse un arrêt à l'arrêt d'autobus. Mm-hmm. Ce qui n'est pas arrivé. Oh. Donc, mauvais calcul, contact avec l'autobus. Ah ah. OK? Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Premièrement, il n'y a rien arrivé de trop grave. Mm-hmm. C'est juste un accrochage qu'il y a eu. Ouais, c'est Mais en même temps, ça veut dire, ben parfait, vous avez un algorithme à revoir. Oui, vraiment. C'est ça. Puis quand même, c'est le premier sur tous les tests qu'ils ont fait. On parle de. Il y aurait pu y avoir des milliers d'accidents, puis il y en a eu zéro. C'est vrai? Ça a tellement c'est été ça. Parfait. Zéro responsable. Zéro responsable, c'est ça. Ouais. Mais c'est un le peu. Reste, ça compte pas. C'est un peu ça le problème avec les calculs puis les algorithmes, justement. C'est que. Tu sais, ça prend-tu en considération les réflexes des humains? Tu sais, quelqu'un qui va changer d'idée à quelque chose, ça prend pas vraiment en considération c'est ça. Tout ouais. ça. Ben, comme exemple, les changements de voie avec un angle mort. Combien de fois ça nous arrive que quelqu'un arrive se tasser vers nous, puis on a le réflexe d'appuyer sur le frein ou donner un coup de volant? Ça faut pas, mais bon, des fois, c'est le réflexe qu'on a. Mais le véhicule Google, il est pas programmé pour avoir ces réflexes-là c'est qu'on ça, a. C'est ça, exact. Mais en même temps, il n'y a pas d'angle mort parce qu'il peut voir 360 degrés autour. Oui, mais je veux dire, le réflexe de réagir à quelqu'un qui fait pas son angle mort. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ça. C'est comme les voitures intelligentes qui s'en viennent bientôt. Là. Ils revoient ces voitures-là justement parce qu'en faisant les tests, ils ont réalisé que les réflexes humains prenaient vraiment mal les algorithmes, puis ben, vice-versa surtout. Oui, c'est ça. Puis c'est là que se produisait la plus grande majorité des accidents, des accrochages, c'est que ça ne fonctionnait pas selon l'humain qui était dans l'autre voiture et dans la voiture même qui était testée. Parce que, tu sais, exemple, quelqu'un va freiner devant toi, tu vas avoir le réflexe de freiner aussi, mais la voiture, elle calcule que si la personne devant toi freine, il va y avoir un délai Mais tu sais, c'est pas tout le temps comme ça. Mais là. Sûr, le freinage sont corrects pour avoir, pour avoir déjà travaillé avec quelque chose de similaire comme algorithme de freinage. Je te dirais que ça répond très, très bien. Ouais, c'est et ça. Seulement la qualité des freins pour empêcher l'algorithme de fonctionner. Ah! C'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te... Non, c'est ça, parce que c'est un algorithme par rapport à la distance du véhicule en avant. OK. Donc, plus t'es près du véhicule, plus le freinage va être raide. Va être raide, ouais, c'est donc, ça. Donc, le véhicule va tout le temps s'arrêter correctement, sauf si les freins sont pas adéquats, puis qui empêchent le freinage. Mmh. S'ils sont usés c'est, ou quoi c'est que ce ça, soit. Exactement. Dernier petit article dont je voulais vous parler. Je suis en ingénierie. Et j'adore les mathématiques. Oui, j'ai pas trop le choix, disons. Mais encore plus que ça, là, c'est que... Là, t'es encore deux contre un. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est pour vous que je parle de oui, ça. Oui, ben merci. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je rends hommage aux gens qui n'aiment pas les mathématiques. Yes, parce que ça arrive et c'est normal que tout le monde n'aime pas les mathématiques. Donc, j'ai un petit article quand même assez cocasse. C'est sur les emplois les mieux payants pour les gens qui détestent les mathématiques. Ah, mon Dieu, bonne idée. Vas-y, nous écoutons. C'est ça. Malheureusement, animateur de radio n'est pas dans oh. le... C'est drôle, j'avais un petit doute là-dessus. C'est seulement dans la liste des psychopathes puis des futurs tueurs professionnels, c'est les animateurs de la radio. Exact. Oh, dommage. Donc, c'est ça. Donc, on a conseiller en orientation. Okay, ça, oui. C'est les fameuses personnes qui pensent savoir pour toi ce que t'es bon pour faire dans la vie. Ah, il va tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir une petite pointe de commentaire sarcastique à chaque affaire? Non, dire, non. Ok, parfait. C'était seul... C'est ceux qui savent pour toi dans quoi non, tu vas t'en aller. Non, c'est que j'ai vraiment. Comment dire? J'ai pas eu de bonnes expériences avec des conseillers en orientation. Ça. C'est juste pour ça. Ouais, donc, c'est spécifiquement ce poste-là. Devait être quoi, plombier, c'était de l'orientation? Comment? Qu'est-ce que tu serais, plombier, selon eux? Non, c'est parce que finalement, elle m'a rien conseillé. Elle a juste dit. Elle m'a juste laissé nommer des affaires. Ah, ben ça doit être quelque chose là-dedans. Wow. Ah, oh, hey, tu m'as tellement aidé. Bonne conseillère. C'est ça, exactement. Sinon, les spécialistes en appareils auditifs. Ah, ben oui, hey, ben ça oui. C'est vrai, ça a l'air que c'est très, très, très, très, très payant. C'est spécialisé en audio, ouais. Thérapeute pour couple et famille. C'est spécifique. Surtout ça. En 2016. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, si on parle d'un salaire moyen de 51 000 $ OK. Mm-hmm. C'est canadien en plus. On a caméraman, caméra-woman. Mm-hmm. Ah. Pendant qu'il y en a encore, parce qu'il y en a de moins en moins. Quand même. Ben là même, ils disent ici opérateur de caméra. Ok, ok. Donc ça peut être aussi la personne qui gère les caméras automatiques. Là, oui, qui, débutant de nouvelle, etc. C'est ça. Ensuite, j'ai ergothérapeute. Ah oui. C'est ça. Donc, on salue les futurs ergothérapeutes de l'UQTR. Ergolove. Ouais, c'est ça, exactement. ensuite, bibliothécaire. Oh, ouais. Ouais, je sais pas si c'est parce qu'il y a un besoin pour des gens qui travaillent dans les bibliothèques. Peut-être que c'est plus très populaire, donc tu es obligé d'augmenter les salaires pour attirer des gens. Bonne idée, ouais. Ou peut-être qu'il y a des fonctions de plus maintenant qui justifient un salaire moyen de 57 600 par année. Quand même, ouais. Mais quand même, 57 600. Ok, on vient de me glisser que ça peut être aussi justifié par le fait que ça prend une maîtrise. Des fois, c'est bien ça que tu m'as dit. Ah, maîtrise, ouais. Oui, ok, dans des bibliothèques spécialisées, mettons. Ok, je comprends, merci. Marc-Christine Perrin. C'est ça. Conducteur de train. Ok. Ah, ben oui, j'avoue. Ouais, c'est ça. Donc ça, on parle de 58 500 par année. Ensuite, j'ai pas le terme exact, mais agent de libération conditionnelle. Ah, oui. Donc c'est ça, pour les remises en liberté. Ensuite, plombier. Ah, on l'a dit tantôt, oui, c'est tout, ça. Tous les emplois là, qui sont justement comme très ça. Manuel, hein. Très manuel. Très manuel, plombier, ouais. Mécanicien peut-être. Mécanicien, ouais. Soudeur. C'est des emplois que tu fais un DEP pour, mais c'est tellement... Il n'y en a pas des milliers. C'est là. Ça. C'est ça. Celui-là m'a un peu surpris. Les dispatchers du 911. Ben voyons donc. Ouais, les répartiteurs. 59 500 comme salaire moyen. Comme intéressant, ça, comme... Salutations aux employés de mon père. Agent correctionnel. Donc, ça aussi, 59 700. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça un peu... je ne sais pas si j'ai le bon terme pour ça, là, mais sténographe judiciaire. Les gens qui tapent... Ah ouais, hey, ça doit... Faut que tu tapes vite. Là. Ça, faut être bon. C'est une technique de doigt, parce que c'est pas les touches d'un clavier normal. Ouais, exactement, c'est en plein ça. Donc, 60 000 par année comme salaire moyen. Wow. Donc, c'est ça. On a aussi les échographistes. Ah! Oui, ah. C'est ça. Donc, eux, ils doivent tout le temps vivre de beaux moments, de voir, comment ça dire... Dépend. Hein? Ça dépend. Ça peut dépendre. Si ça va pas super bien. Je sais, mais d'habitude, c'est des bonnes nouvelles qu'on entend. Mais il y a quelques cas. Ça sent toujours le gel. Oui, effectivement. dérangeant un peu. Oui, bon point. Gel super froid. Tu gèles la bédaine. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est comme un médecin spécialisé, non? Un échographe? Sûrement. C'est sûr que c'est un domaine de la médecine. Oui, c'est ça. C'est juste que la formation ne doit pas être la même que médecin. Exact. De faire une autre étude par la suite. C'est ça, en plein ça. J'ai analyste en sécurité informatique. Okay. Ah oui. Ouais, donc ça, c'est ça, ça n'en prend. Hein? Mais c'est ça, donc c'est juste de vérifier s'il y a des failles dans le système. Donc c'est pas nécessairement l'aspect mathématique de tout l'encodage, c'est la programmation, ces choses-là. Donc ça, ça se prend bien. 62 800. On a sage-femme. Ok, ben oui. Ben oui, sage-femme. Donc 69 600 comme salaire moyen. Et ça, ça n'en prend. Mais il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment très, très... Des sages-hommes, il y en a encore moins. Ouais. On dit des hommes sages-femmes. Il y en a, il y en a simplement un, je pense, puis il est ici. Oui. Oui, je pense qu'il a lâché le coin. Ouais, c'est ça. Entre-temps. Mais quand ils nous ont parlé, c'était ici. C'est oui, ça. Hein. Avocat. Donc, les gens qui aiment ça, profiter des largesses du système pour faire de l'argent. Oh boy, je savais qu'il y avait 71 700. Non, mais je m'excuse, mais je l'ai vu qu'ils ont un peu abusé de leur poste pour faire des belles causes. C'est pas une pomme qui va... Ben non, je le sais. Mais j'aime ça de noter la personne qui a dépassé les bornes. C'est ça, policier. OK. Donc, 74 800. Encore là, on pourrait dire percepteur d'impôts. Détective, 81 400. Oui. Oh, quand même, ça paye bien, détective. Columbo. Oui, c'est ça. Mais Columbo, c'est le meilleur. Oui, mais ça. Tu peux pas battre ça. Essaye. Non, non, non. Non. J'adore écouter des bons vieux Columbo. C'est bon, mais ça. Je me tanne jamais. Ensuite, chaudronnier. Chaudronnier. Ouais. C'est un gars qui lave les. Non, c'est pas quelqu'un qui lave des chaudrons. Il fait des chaudrettes palourdes. C'est quelqu'un qui travaille le métal. Voyons. Allô? Je le dis. Tu tapes dans le dos? Non, tu sais, quand un foyer. Ouais. Mais ça, c'est un ramoneur. C'est ça. Je pensais que c'est la même chose. Mais ouais, mais c'est la semaine que. Moi, je pensais au début que ça peut être aussi des soudeurs, mais non, c'est carrément autre chose. Donc, c'est ça. J'ai ici gestionnaire de la conformité. Donc, quelqu'un qui s'assure que tout est conforme. Ouais. Ah, ok. C'est ça. 71 400. Oui, quand même. Ça a l'air moyen. Moi, si tout est conforme. Il va faire un chiffron, ça aurait été plus conforme. Pas conformiste, mettons. C'est ça. Ouais. Et finalement, pour un salaire de 100 400 $ j'ai tous les enseignants dans les domaines de sciences humaines. Oh! Oui! Oh, ouais. C'est ça. Pas pire, ça. Mais oui, non, mais t'as une spécialité dans un domaine, absolument. Tu formes les prochains. À la limite, oui, ok, c'est des domaines qui n'ont pas de mathématiques, mais ça n'en prend. On ne peut qu'encourager ça, absolument. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, sachez que si vous n'aimez pas les maths, il y a de l'espoir. Une chance! Une chance, parce que tu me feras jamais apprendre ça. Jamais. Non, je vais rester avec mes mathématiques, c'est correct. Recule, mathématicien, recule! J'aimerais voir, par exemple, la comparaison entre les salaires sans mathématiques avec mathématiques. Ah, une autre fois peut-être. Ben, d'après moi, mettons, si tu t'en vas dans les enseignants, justement, de mathématiques, d'ingénierie, de comptabilité, toutes ces choses-là, ça doit être des salaires similaires. Ouais, ça reste des enseignants. Tu sais, exemple actuel... Ah non, mais là... On joue quand même dans des gros salaires, là. Ouais. Mais grâce aux maths. Les mathématiques, ça reste important. Même pour quelqu'un qui travaille pas dans le domaine de mathématiques, je veux dire, t'as un budget à faire, t'as des choses à faire dans la vie qui te demandent des maths un minimum. Ah, ben oui, c'est ça. En 2016, tu sais. En 2016, c'est ça. On a les logiciels, on a des calculatrices, on a plein d'affaires pour s'aider. C'est quand t'as pas le talent naturel, tu peux pas forcer un talent. N'est-ce pas? Bref, je juge personne, je voulais encourager ce matin. Oui, tu juges personne sauf c'était les. Les conseillers d'orientation. Les avocats, les policiers. En tout cas, mais tu juges pas! Non, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Samuel Gérard de Génie en Liberté, les jeudis matins à 9h30, ici même à C'est Fou, au Mathieu Plante Show, une semaine sur deux, les mercredis à 15h et à Assemblage Requis les lundis à 8h30. Merci beaucoup, Samuel Gérard. Ça fait plaisir. Autour de la pause, on parle d'art visuel avec Marie-Christine Perra. Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1 C'est fou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage Rocky en ce lundi 14 mars 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on a du plaisir, comme toujours, avec nos invités du lundi. Tout le temps. C'est le fun. C'est plaisant. Oui, chaque jour est aussi plaisant l'un que l'autre, mais tu sais, il y a des journées où sont moins présents, les chroniqueurs. Comme le jeudi. Comme le jeudi, exact. Donc, on en profite quand ils sont là. Et justement, elle est là aux deux semaines et ça fait un bout qu'on lui a pas parlé, donc accueillons-la comme il se doit. C'est Marie-Christine Perra avec gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Mathieu. Ah, bonjour Tania. Bonjour. Ah, cette chanson, on s'entendra jamais. Ah, je sais, elle est si bonne. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Ça fait quoi, un mois qu'on ne s'est pas parlé? Oui, c'est ça, parce que pendant la semaine de relâche, j'ai eu un contrat de comédienne au département d'orthophonie. Oh. Je faisais des mises en situation réelles avec de futurs étudiants qui passaient des entrevues. Puis c'est ça, donc j'ai passé deux avant-midi à pleurer parce que j'étais une femme qui avait perdu son enfant au centre d'achat. Et puis les deux après-midi à être une patronne sanguinaire, vraiment pas fine. Puis la personne était nouvellement employée dans ma grosse compagnie de centaines d'employés. Puis elle venait m'annoncer qu'elle avait foncé dans mon véhicule de luxe. Oh. Oh non. Est-ce qu'elle travaillait pour Google? Ah, on sait pas. C'était pas Google, là, c'est mais pas j'avais pas de nom de compagnie, mais en tout cas. J'ai aussi vu que t'étais, en tout cas, pas dans le journal papier Zone Campus, mais sur le blog zonecampus.ca, ah oui? Que t'as joué dans une pièce de théâtre avec un sac de poubelle sur la tête. Ah, mais c'était pas moi qui avait le sac de poubelle, non. C'était l'autre personne qui était pas le sac à poubelle. C'est ça, ben moi j'étais à la tête d'un réseau terroriste, okay. Le FILPED, le Front international de libération des personnes esthétiquement défavorisées. puis ben c'est ça, il a fallu que je m'enlaidisse quand même, parce que vous me voyez pas, mais je suis un peu cute. Là. Un peu canon, on va se le dire là. Ben correct comme ça, là, c'est mais ça. C'était pour être la chef d'un réseau terroriste de personnes esthétiquement défavorisées. C'est tellement politiquement correct, hein, oui, comme hein. Terme, c'est clair. Puis là, ben, on m'avait dessiné un mono-sourcil, oui. Oh, puis j'avais les cheveux lichés par en arrière, ouais. Là, puis en tout cas, j'ai fait un beau travail de composition de personnage, je suis très fière de Allez voir sur zonecampus.ca, l'article est là, avec ta photo. Parce qu'il y a pas une photo, ok, ouais. C'est ça, ok, c'est pour ça que tu dis ça, ouais. Elle est pas dans le... Pas la de place, papier. Non, pas de papier, place. J'ai vu qu'il n'était pas là. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'art visuel avec toi. Oui, ben oui, effectivement, on va cesser de parler théâtre parce que je suis une femme de théâtre. Oui, hein, aussi, mm-hmm. À la base. Oui, à la base. Donc oui, ben là, j'ai vu des millions de choses parce qu'en plus, je suis pas venue il y a deux semaines. Mm-hmm. Fait que là, ben, je vais parler rapidement de choses que j'ai vues, puis plus précisément de ce que j'ai vu hier, parce que je suis allée dans un vernissage hier qui était très bizarre. Yeah. Parce que je suis arrivée, c'était à la Maison de la Culture, donc au centre Raymond Lagnier. Puis là, j'arrive, puis il y a un paquet de monde devant la Maison de la Culture. Je me dis, coudonc, qu'est-ce que c'est ce book? Manifestation, c'est ouais. Je sais pas trop. Mais non, il y avait une alarme d'incendie. Ah, donc, on a poiroté genre 45 minutes dehors. On a monté en haut, j'ai commencé à voir l'exposition, qui était très intéressante. Puis là, ben, je voulais parler aux artistes pour pouvoir écrire mes articles, puis tu sais, vous dire que je les avais rencontrés à la radio. Puis ben, là, l'alarme, elle a ressonné. Ben voyons donc. Fait que là, on est parti. Puis t'as interviewé les pompiers à la place. Ouais, oui, c'est exactement. Mais il y avait un spectacle de musique à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Puis ben, les musiciens, ils sortaient avec leurs instruments. Ah oui! Puis le pauvre, eux autres, c'est deux fois pendant le spectacle, c'était interrompu. Il fait quand même froid encore. Puis... Ben, hier, on était bien quand même. Mais en tout cas, fait que les autres, ils doivent se dire Arc Trois-Rivières, tu sais. Ouais. Alors que ça arrive tellement jamais, c'est ça. Vrai? Puis ils disent toujours au début, tu sais, en cas d'incendie, gardez votre calme et suivez les directives du personnel. C'est vrai. Puis là, c'est arrivé deux fois. Puis ça dit dans le message, mais faites-vous en pas, ça arrive pas, c'est souvent que ça. Ils prennent la peine. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu un vernissage particulier hier, mais j'ai quand même pu goûter à une bonne bière du Trou du Diable parce qu'au centre Raymond Lagnier, ils savent recevoir leur monde. C'est fort, ça, ouais. Ouais, ouais, ils ont des bières du Trou du Diable, puis ben, vin blanc, vin rouge, Perrier, classique, mais mm-hmm. Là, je me suis laissée tenter par la bière. Wow! Bon, donc, très rapidement, là, j'ai été voir une exposition à la Galerie d'art du Parc, j'en avais parlé, il y avait une fille... la grande sœur d'une fille à mon primaire, ouais. Guylaine Chevary-Lessard, qui on se faisait appeler Jean Guylaine. Coton. Oui, on se souvient, Jean Coton. On se souvient de Guylaine. Donc, je suis allée voir ça. Il y avait des choses... Il y avait trois artistes différents sur les trois étages de la galerie, qui est un lieu vraiment très beau, en passant, qui est une maison historique qui date, genre, de la colonisation, à peu près. En tout cas, dans ce coin-là. Mais c'est vraiment très beau. C'est un des rares bâtiments qui a survécu au feu. de 1908. Okay. Fait que, tu sais, vous pouvez aller, ça, sur la rue des Ursulines. Mm-hmm. C'est un bel endroit. Déjà, c'est la maison, le manoir de Tonnancourt. Oh. Puis là, ben, ils ont fait une galerie dans ça. Et puis, ben, c'est ça, à l'étage, le premier étage, je me souviens même plus son nom, mais en tout cas, c'est pas grave, là, passons tout droit au deuxième étage. Il y avait Carl Bouchard qui présentait des choses assez particulières. Ben, c'est encore en cours, là, c'est jusqu'au début avril, fait que vous pouvez aller voir ça. Il y a des choses, des fois, un peu choquantes, il y a des choses rigolotes, c'est vraiment plein d'univers. Choquantes. Oui, comme particulièrement deux photos d'anus. Qui se... Ah? Oui, en très gros plan, en très grand format. Ben, en grand format. Puis les deux anus se regardent, ils sont comme un face à l'autre. Ah, OK. Puis c'est une partie du corps que, je sais pas, là, c'est pas... C'est particulièrement celle qu'on recherche à regarder. En effet. C'est tabou. Ben, c'est pas que c'est tabou, mais c'est pas mais nécessairement c'est pas nécessairement chic, cute. Là. Mais aussi, je me suis demandé, par contre, si ça avait été des anus de femmes, là, peut-être que la réaction aurait été différente. T'sais, là, c'est des anus d'hommes. Fait que là, on fait, il y a du poil, je sais pas quoi. On... Mais, tu sais, même, j'étais avec mon chum, puis là, il disait, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Je dis, ouais, mais j'ai dit, ça avait été des fesses de femmes, là. Mm-hmm. Je pense qu'il y aurait peut-être ça juste. Il aurait passé sans rien dire, peut-être, je sais pas. Si la réaction serait différente, ça avait été des fesses de femmes. Oui, ouais. Vraiment. C'est peut-être le but, d'ailleurs. Oui, ben c'est ça. Puis lui, ben, dans sa démarche, il cherche vraiment à présenter des choses qu'on aime, qu'on veut pas voir. C'est fait ça. Que je me dis, ben là, il a réussi. C'est ça. Bravo. Mais il a fait aussi une œuvre vraiment très surprenante. C'est fait en tapis. Donc, ça, okay. Il a pris 2 ans à tisser un tapis circulaire. Puis ça a l'air de quelqu'un qui est sous l'eau. Ça donne l'impression qu'il est coincé en dessous de la glace parce qu'on peut marcher par-dessus. Ah oui, t'sais. On le voit dans son campus aussi. Oui, si oui, ça. C'est ça, effectivement. Mm-hmm. C'est très surprenant comme pièce, puis c'est en tapis. T'sais. Fait que c'est un médium qui est peu utilisé, vraiment. Disons-le. Puis c'est ça. Fait que donc, Carl Bouchard est très surprenant. Il y a des choses très intéressantes, des choses qui peuvent choquer, mais en même temps, c'est bien parce que ça pose des questions comme ça. Je me suis dit, finalement, si on nous avait présenté des fesses de femme, on aurait sûrement juste dit, bon, encore la femme objet, ouais, ou je sais ouais, pas ouais. trop quoi. T'sais. Tandis que là, ben, ça pose un regard sur ça, finalement. T'sais, si c'était une femme, ben, on serait moins choqué de l'avoir nue. C'est peut-être même pas voulu comme débat, c'était même pas ça qu'il voulait amener. Non, mais c'est ça, ça exactement. Amène à mais c'est sûr ouais, que exactement. Ça l'amène. Oui, ouais, exactement. Fait que, t'sais, même si on peut être répulsé par la vue de ses anus, ben, ça pose quand même des questions sur la société. Voilà. Ah, les arts visuels, c'est magique. C'est beau. Puis là, quand on montait en haut, c'était Guylaine ou Jean Coton. Oui. Je sais pas si elle aime que je la nomme ainsi. Là. J'ai dévoilé un pan de sa jeunesse. Trop tard, au moins, elle ne parle pas de son anus. Non, ça me... Faut voir le bon côté des ouais, choses. C'est ça. Tant mieux pour elle. Puis elle, c'est quand même une docteure en arts visuels. Donc, elle a un doctorat, mm-hmm. C'est ça que je veux dire. Ben, je sais pas. Tu m'as regardé perplexe, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, il y a juste eu un vide momentané dans le absolument regard de Mathieu Plante. Absolument, pas chercher un jeu de mots. Ah, OK. Bon, donc, maintenant, je saurai quand t'as le regard vaporeux, ouais. C'est que je cherche du latin pour essayer de faire un jeu de mots d'anus avec son, okay. son baccalauréat. Ah, bon, non, son doctorat. Son doctorat, c'est ouais. ça. Bon, OK, parfait. Alors, si tu trouves, tu me diras. Donc, elle présente des... elle s'inspire du mouvement de la danse, du moins pour cette exposition-là, pour aller chercher une espèce de dialogue avec la parole du corps. Puis là, ben, c'est des gestes très spontanés dans une pièce là, qui, bon, c'est tel que tel. Là, c'est des toiles avec de l'angle de Chine, avec des gestes là, dessus. Bon. Mais il y a une salle où c'était vraiment très, très doux. Il y avait des grandes bandes de tissu. Ben, ouais, tissu papier là, qui faisait toute la longueur du mur, qui était suspendu, puis il y avait des bandes horizontales de différentes largeurs, puis à différents espaces. Puis ça faisait quelque chose de très, très apaisant. C'est une espèce de tapisserie, mettons, mm-hmm. ça donne cet effet-là, mais vu qu'ils sont superposés, puis ils ne sont pas alignés, bien, ça fait comme un petit peu un mouvement, puis ça fait très reposant. Et il y a un texte qui était disponible avec des écouteurs. Il y avait un divan. Ça semblait vraiment très intéressant. Il y avait une dame qui était là pendant très longtemps. Ouais, ouais, très, ouais. très, très longtemps. Puis là, une année, je me suis mis à circuler pour lui montrer que j'étais là, tu sais, qu'elle n'était pas seule. Puis après ça, ben là, j'ai tapé sur l'épaule. j'ai dit, c'est quoi qu'il y a dans les écouteurs, tu sais, c'est de la musique. Elle a dit, non, c'est un texte très intéressant. C'est très, très intéressant. Tellement que j'ai écouté trois fois. C'est ça. Ça fait 12 fois, je l'écoute en boucle. C'est ça, fait qu'elle n'est pas partie. Fait que moi, je suis partie, puis j'ai même pas écouté le texte. Elle n'a pas compris que ça voulait dire, je veux l'écouter moi aussi. Ben, peut-être qu'elle a compris, mais elle était trop absorbée. Elle était trop dedans, je sais pas. Hashtag les gens. Ouais. Fait que là, ben, j'ai pas pu écouter le texte très intéressant, mais ça semblait très apaisant. Du moins, la dame, elle avait l'air très, très absorbée. Puis je trouvais que ça faisait aussi une belle image, même avec la dame qui était là. Oui. Même si j'ai pas eu accès à l'ambiance sonore, ben, l'image avec la femme qui était là toute droite dans son divan, qui regardait les bandes. Peut-être qu'elle fait partie de l'art aussi. Oui, c'est ça. Elle n'a pas le choix. T'étais pas supposée toujours parler. Là. Ben, peut-être que oui, c'est une œuvre participative. Je sais pas. En tout cas, donc il y a des choses très intéressantes à la Galerie d'art du Parc qui sont très différentes là, sur les trois étages, là, vraiment. Mais ça vaut la peine, petit détour par le manoir de Tonnencourt en même temps, un petit peu d'histoire. Donc, ça, c'est ce que j'ai vu à la Galerie d'art du Parc. Sinon, j'ai vu au Frida, mon endroit de prédilection, Étienne Boisvert, qui fait une exposition qui s'appelle « Hivernage ». Ça peut paraître simpliste au départ, là, parce que c'est des photographies d'objets emballés. Ah! Bon, hein, je t'explique. Quand l'hiver arrive, ben, quand c'est l'automne, il y a des personnes qui emballent leur... emballent leur barbecue, des trucs comme ça. Il y a même du monde à Trois-Rivières, je ne sais pas, c'est un fléau. Il y a du monde qui habille leur gazon. Je sais, il y en a plein sur la rue où j'habite. Oui, sur Daniel Pinard, mais... Louis Pinard, non, il y en a plein. Ils font juste, ils mettent une toile, une bâche, une grosse bâche. Sur leur terrain, puis ils piquent ça. Mais tu sais, on peut comprendre, là, il y a sûrement de la neige qui revient. Ouais, c'est quand le débat est lié. L'enlever, peut-être? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, bon, c'est pour préserver l'intégrité esthétique de leur gazon, j'imagine. Probablement. Je ne sais pas. Ouais, d'après moi, c'est que le gazon vient moins jaune rendu au printemps. Peut-être. Il effroire moins sous la neige, mais en même temps, le poids est le même. Mais en tout cas, c'est peut-être parce que quand ils mettent du sable ou de la petite roche, là, ces trottoirs, puis ça. Puis là, ben, ça finit par aller sur le gazon. Ouais. Ça doit être ça. On les comprend. Maintenant. C'est, c'est vrai que c'est assez chiant passer le râteau. Tellement. C'est vrai. Fait que c'est ça. Donc, lui, il prend des photos. Il a sillonné la Mauricie pendant, je pense, 5-6 ans. Avec des temps de pause, évidemment. Mais il allait à l'automne, partant grisâtre. Puis il allait prendre des photos de trucs emballés. Pis ça donne des formes très mystérieuses et... on se demande qu'est-ce qu'il y a. C'est pas toujours identifiable qu'est-ce qu'il y a sous les bâches. Puis des fois, il y a des bâches bleues, des bâches vertes, des bâches oranges. Donc, tu sais, ça fait quelque chose de coloré. Puis en même temps, ben c'est surprenant. Puis je trouve que ça révèle notre rituel d'homme avec un grand H du Nord. Tu sais, donc, on a des rituels dus aux saisons. Ça rappelle le cycle de la vie, du temps, puis tout ça. Donc, il y a quelque chose de fascinant dans ce travail-là et d'emballage, des personnes qui emballent leur machin parce qu'ils n'ont pas de place dans le cabanon, mettons, ou je ne sais pas trop quoi. Puis il y en a, ils rassemblent un paquet d'affaires dans le milieu du terrain, puis là, ils emballent ça. Fait que ça fait des formes assez particulières. Des fois, plus classiques, ils emballent leur vélo, dans un plastique transparent, donc on peut bien identifier le vélo. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de formes, puis ça révèle notre... Un rituel qui, tu sais, que si tu présentes ça en Amérique du Sud, ils comprendront peut-être non. pas le phénomène, tu sais, mais alors que nous, c'est évident. On comprend le geste. Oui. Puis il y a aussi un artiste qui s'appelle Christo, qui travaille souvent avec sa femme, que malheureusement pour elle, je suis désolée, j'oublie son nom, mais lui, il fait de l'emballage comme ça, mais vraiment à immense échelle. Là. Il a emballé le Parlement allemand à un moment donné. Wow! C'est assez gros. Pour une raison artistique ou pour un... Oui, c'est... non, c'était un attentat. Ben, je sais pas. Pour le protéger de quelque chose. Là. Non, c'est... Puis c'est emballé, tu sais, on voit quand même les courbes du bâtiment. Mais non, c'est comme si en abriant les bâtiments ou en abriant certains lieux, ben c'est comme s'il les révèle en les cachant, tu sais. Donc, on porte un autre regard sur le bâtiment, on le voit différemment. Fait que c'est un peu ça. Là, sa démarche, elle est beaucoup plus vaste que ça et plus précise, mais en gros, vulgairement, c'est à peu près ça. Puis il fait aussi des interventions à échelle du paysage. Il va mettre des grandes bandes blanches très, très longuement. Ouais. Fait que, tu sais, ça vient comme interférer un peu la vue du paysage habituellement. Donc, en cachant certaines choses, il révèle la chose. Un peu comme Étienne a fait. Lui, en prenant les photos de ses petits monuments-là, ben, c'est comme si on révèle un mode de vie nord-américain en cachant les objets. Là. C'est spécial, mais en même temps, c'est intriguant. Oui. Puis là, ben, c'est ça, lui-même, il dit ça. Il dit les personnes, c'est comme s'ils font des mini-cristaux. Puis quand il m'expliquait ça, je me disais des cristaux. Ça veut dire quoi? Ils font des mini-cristaux de. T'sais, je pensais qu'il parlait des cristaux. De la pierre. Ouais. Là, je ne l'ai pas jugé. Je dis OK. Puis là, à un moment donné, plus tard, j'ai dit ah, ben, j'ai dit c'est un peu comme cristaux. Il dit ouais, ben, c'est ça que je t'ai dit tantôt. Là, ah, OK, ouais, ben, des bien. Petits cristaux. Oui, comme ça, c'est OK, je comprenais pas. Ouais, après ça, les gens disent que l'art, des fois, c'est un petit peu hermétique. Ouais. Mais ben, lui, en tout cas. Lui, hein? En tout cas, il a révélé que oui, c'est hermétique parce que ouais. C'est bien emballé. Fait le savoir maintenant. Bien emballé. Ouais, ouais. Donc, ben, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai vu dans les dernières semaines. Sinon, là, j'ai-tu du temps encore ou un petit bon, peu? Tu as du temps, oui, oui. Sinon, il faut que j'aille rapidement, là, parce que j'ai pas mal de stock. Bien, il y avait Fontaine-le-Riche qui était au centre Raymond Lanier, mm-hmm. Que j'ai vu hier, qui était bien, là, qui est tout à fait fidèle à elle-même, là, d'une espèce de personnage un peu disloqué, mais toujours dessiné de façon très stylisée, là. Puis bon, ça s'appelle Les Bruns, fait qu'elle utilise des fonds bruns. De brun, puis tout ça. Donc, c'est du Fontaine-le-Riche. Hein. Mais il y avait aussi Marc Gosselin qui présentait Urbanité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment beau, tout simplement. Là. Puis, tu sais, c'est spécial d'être comme en pamoison devant des paysages urbains, mais c'est comme le traitement qu'il a fait. Là. Lui, il prend des photographies de. Bien, là, c'était surtout à Montréal et à Trois-Rivières, mais c'est pas un gars d'ici, mais probablement qu'il est fasciné par le tissu urbain de Trois-Rivières, mm-hmm, je sais pas. Donc, il prend des photos de la ville, là. Puis comme par exemple un immeuble industriel où il y a la rue Saint-Denis de Trois-Rivières, mmh. Là, okay, ah, oui, des oui, bâtiments oui. Comme ça. Puis là, il va les imprimer, parce que j'écoutais un petit peu du coin de l'oreille là, quand il parlait à du monde. Il imprime, je pense, sur des formats 8,5 par 11, là, ses photographies, en, comme ça fait des petites mosaïques, mettons, ouais. Parce que lui, c'est des plus grands formats, mais c'est sur des planches de bois ou des vieilles portes de bois. C'est vraiment spécial, ah, oui. Qu'est-ce que ça fait. Oui, fait que là, il va, je pense qu'il colle ses photos, ses parties de photos, puis après ça, il intervient un peu à la peinture dessus. Puis aussi, il cogne des clous à certains endroits, puis il va aller tisser avec un fil, genre un fil à broder. Fait que ça donne des... En tout cas, c'est tellement beau, j'en reviens pas, comment c'est très touchant. Puis aussi, c'est... Tu sais, prendre une photo, c'est déjà imprimer un moment qui n'existe plus. Mm-hmm. Puis là, lui, il fait sur une vieille planche de bois qui date d'il y a longtemps. Puis, en même temps, il prend des photos de vieux bâtiments. Fait que c'est comme, il y a toutes sortes d'une accumulation. Une continuité, ouais. Ouais, une accumulation de couches de mémoire, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fonctionne au bout, là, ces petits tissages, là. Comme il a fait le pont La Violette, ben tu sais, c'est vert, là, mettons, puis c'est mm-hmm. des structures de métal, mais tout ça, c'est des fils. Fait que ça fait une espèce de tridimensionnalité dans son œuvre. Fait que ça fait un petit jeu d'ombre aussi, tout petit. Ah, ça doit être beau. Mais oui, vraiment, là, ça fonctionne. Puis, c'est ça. Donc, des paysages urbains... revisiter, puis le traitement, là, vraiment, j'ai été très, très charmée par ce que Marc Gosselin a présenté. Puis là, ben là, j'aimerais ça lui parler aussi pour être sûre comment il s'y prend, c'est quoi les étapes de travail, parce que... C'est quoi l'oreille se passer? Non, c'est ça, mais puis j'ai observé, puis c'est pas lui qui dessine les bâtiments, là. Ça se voit qu'il y a un traitement photographique, mais c'est pas une photo à bonne résolution, là, tu sais. Fait que je suis très curieuse de savoir sa technique, puis il va aller peindre, exemple, le côté du bâtiment qui est brun, il va mettre de la peinture brune dessus, là. Okay. Tu sais, il fait des interventions à la peinture dessus, mais c'est vraiment aussi le support, là, qui donne une profondeur, autre, parce que juste ça, sur un, je sais pas, un carton normal, ça serait vraiment différemment, là. Ça serait vraiment différent, là. C'est vraiment très beau. Donc, voilà pour... je m'étais écrit pas mal d'affaires sur lui, mais ça va, ça va. Puis c'est ça, puis je trouvais qu'il y avait vraiment une douceur puis un calme dans ces images-là. Tu sais, en opposition habituellement au tumulte mm-hmm. des villes, là. Fait que je trouvais que... En tout cas, il y a vraiment quelque chose de formidable dans ce travail. Marc Gosselin. Que j'espère parler bientôt. Mm-hmm. Et puis là, ben, je vais vous laisser avec ma chanson. Ben, pas laisser, mais je vais vous reparler un peu après. Okay, peux-tu? J'ai-tu oui, le droit? Tu peux faire ça. Ouais, on est un peu tard. D'habitude, je suis bonne dans le temps, mais là, tout en même bien. Temps, ouais, OK, bon. Fait que je vous laisse avec. C'est quoi donc? T'as peu, c'était. C'est Neil Young. Ah, c'est pas Fontaine. Encore vous parler de lien, c'est ça. Ah, donc c'est Neil Young qui a une chanson qui s'appelle Fontainebleau, parce qu'après, je vais vous parler de la forêt de Fontainebleau. C'est pas Fontaine-le-Riche, finalement. Non, c'est pas Fontaine-le-Riche. Ça aurait pu. Ouais. Neil Young à Assemblage Rocky. Thank you. Je sais pas c'est quoi ce vidéoclip avec la viande coupée sur du grill. Là. Ah, moi je regarde pas le vidéo, j'y vais pour la chanson. Ouais, je comprends. Mais allez-y pour la chanson et restez pour la bouffe. Comme on dit. Neil Young avec Fontainebleau. Ouais, exactement, parce que je vais vous amener dans les mystères de la forêt de Fontainebleau, parce qu'il y a une artiste, Sylvie Bouchard, il y a beaucoup de Bouchard aujourd'hui. Bouchard comme boucher, comme la viande. T'en plein ça, et comme Carl Bouchard aussi qui nous présente c'est des vrai. Fesses. Donc, à la Galerie R3, ici sur le campus, c'est Sylvie Bouchard qui présente une exposition, une partie, en tout cas, il y a plusieurs séries, mais il y en a une qui s'appelle Fontainebleau, qu'elle avait présentée ailleurs avant, dans une disposition autre, qui était comme plus contraignante, disons. Puis là, ben, c'est étalé sur le mur. Fait qu'en jasant avec elle, on s'est dit que c'est un peu comme un document de son exposition Fontainebleau qu'elle avait présentée avant. Mais en tout cas, donc, c'est ça. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez cette forêt française qui est vraiment gigantesque. Ben, elle est habitée de mystères. On pourrait, il y en a certains qui avancent que ça pourrait être d'anciennes civilisations qui ont déjà été à cet endroit. Mm-hmm. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de rochers en forme d'animaux là-bas ou en forme de visage humain, mais très, très bien défini. Défini, oui. Okay. Tu sais que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas d'interprétation. Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, oui, ça peut l'être comme quand on regarde les nuages, mettons. Tu sais, quand on regarde les nuages, des fois, il y a vraiment un lapin c'est dedans. C'est clair que c'est vraiment un lapin. C'est ça. Mais là, ça, c'est le hasard. Donc là, les rochers aussi, c'est le hasard. Mais il y a aussi une théorie qui s'appelle le Petri Mondo. Donc, c'est la nature qui ferait avant de rendre vivant, qui comme s'essaierait sur les roches. Ouais, okay. Donc, il y en a vraiment qui croient à ça. Ils croient ça, hein, ça. Tout à fait. Comme vous parliez de tantôt là, d'explication, le chien qui jappait, puis tout oui, ça. Alors, oui, c'était intéressant, ça. Mais c'est ça, donc, tu sais, là, il y avait vraiment une raison. Qui s'expliquait, c'était pas de l'ordre du psycho-psychique. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, dans cette affaire, on parlait d'un chien qui n'arrêtait pas de hurler alors que sa propriétaire recevait un appel téléphonique. Mais sans sonnerie. C'est ça, son téléphone ne sonnait plus, elle se demandait pourquoi, mais le chien hurlait, puis là, elle a associé ça comme des pouvoirs psychiques, mais finalement, c'était que le chien était accroché à un poteau qui prenait un court-circuit à chaque fois que le téléphone sonnait. Fait que c'est pour ça qu'il hurlait. C'est un pauvre chien, en fait. C'est vraiment un pauvre chien, là. J'espère qu'elle se faisait pas appeler comme 30 fois par jour. C'est ça. Ça reste fascinant pour moi, là, ce genre de phénomène-là. Mais ça. Donc, c'est à ça qu'on faisait référence. Mais c'est ça. Donc, là, il y avait une explication logique. Le Petri Mundo, ben, ça serait l'explication logique de la nature. Là, oui. Donc, c'est ça, la nature, elle préfigurerait ça, le monde vivant en l'ébauchant dans ces roches, là. Bon. on voit qu'on n'est pas nécessairement du même avis qu'eux. Mais... Non, mais je trouve ça beau, je trouve ça poétique comme idée. Oui, d'expliquer la idée. Nature. Oui, ouais. C'est ça, je trouve que la nature, elle fait bien de faire ça. Oui, et Jésus dans un grilled cheese, c'est parce qu'on se pratiquait à quoi? Jésus dans un grilled cheese? T'as pas vu ces histoires-là? Non. Ah, mon Dieu, ouais. Ou les chips en forme d'Elvis Presley. Ah oui, exactement. Oui, c'est vrai que c'est... Les trucs sur eBay. C'est très particulier, c'est la nature qui fait des tests. Ouais, là, c'est... C'est pour un jour, Jésus va revenir, c'est ça. Ah, ça doit être ça. Dans c'est un grilled cheese. Tu prépares au grand retour. Dans un grilled cheese. Bon. Donc, quand il y a des formes comme ça dans des roches ou dans des œuvres d'art aussi, on appelle ça soit anthropomorphique ou zoomorphique. Je pense que vous en avez déjà parlé d'ailleurs. Donc, ce sont des rochers zoomorphes ou anthropomorphes. Comme on en a un en Mauricie. Hein? Où ah ouais? À grand-mère. Hein? J'aurais deviné que ça aurait été à grand-mère parce qu'il y a beaucoup de roches. Là, quand même. Ben, à grand-mère, ça s'appelle grand-mère parce qu'il y a un rocher qui a l'air d'une vieille madame. Ah ben! Puis là, il y a des panneaux indicateurs, puis tu peux te rendre pour aller voir le rocher. Hein? Je savais pas. Je me suis jamais rendue, là, parce que j'avais été à la maison Antoine Brisson, je pense, puis c'est tout près du rocher, puis on le voyait, « Hey, le rocher est par là! » Puis finalement, on a perdu la trace, puis on n'a jamais trouvé le rocher. Tu sais, malheureusement, après une couple d'années, probablement que ces choses-là de la nature, justement, changent. Bien, lui, oui, il y a un peu d'érosion, sûrement. Sauf que, tu sais, pour que la roche change vraiment c'est d'apparence... C'est pas dans notre vie, en tant que telle. C'est plus long que ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il pourrait penser qu'il y a eu d'autres civilisations aussi qui auraient... Bien, pas que c'est pas eux qui les auraient sculptés, mais c'est parce qu'ils ont été comme... Ils sont regroupés, puis tout ça. Donc, ça aurait peut-être été déplacé. Mm-hmm. Mais en même temps, ils disent que c'est impossible parce que c'est tellement pesant. Ouais. Est-ce que tu penses qu'avec l'érosion, elle va comme perdre des rides, puis à un moment donné, la ville va changer de nom pour changer de fille? Oui, peut-être. Jeune mère, c'est plus grand-mère. Juste maman, tu sais. Peut-être, écoute, c'est une théorie. Ou quelqu'un va l'acheter, ça va être genre présenté par IW, ça va être genre Mama Burger, présenté par IW, le rocher, ça serait beau quand les villes vont être commanditées par par les burgers. Donc, c'est ça, c'est un... Donc, c'est ça le grand mystère de Fontainebleau, finalement. Cette forêt mystérieuse. Fait que si jamais je retourne en France, ben, je pense que je vais faire un tour. Parce que, regarde, on dit qu'il y a des singes, des serpents volants, des oiseaux, des dinosaures, des félins, des agneaux, des hippopotames, des tortues, des hiboux, des cachalots, des otaries, des éléphants, un sphinx, des têtes humaines. Quand même. Qui sont comme parfaitement sculptés. Hein. Wow! Fait que, ben, ils sont pas sculptés, mais par la nature. Ouais, c'est ça, fait par la nature. Ça doit être très... ça doit être très particulier. Mais ça doit être, aussi l'angle selon lequel tu regardes ouais, la chose. Oui, peut-être aussi. Oui, effectivement. Il faut que tu sois à la bonne place là, pour bien le voir. Mais quand même, ça doit être fascinant d'aller visiter ce zoo. C'est clair. En roche, là. En tout cas. Un zoo de roche. Puis il y a Bernard Werber aussi qui en parle dans Les fourmis. Je ne sais pas si vous avez lu Les fourmis. Mm. Non. Mais il y a un scientifique là, qui jase avec les fourmis. Puis, ben, là, c'est très vulgaire, qu'est-ce que je suis en train de dire. Là, mais, Parle pas d'anus encore. Non. Mais, une fois par jour. Mais vulgaire, c'est dans le sens que je vulgarise très, très, très rapidement le livre de Bernard Werber. Là, il serait peut-être pas content, mais en tout cas, c'est cet homme scientifique qui va finir par entrer en relation avec les fourmis. Ben, il est dans la forêt de Fontainebleau, puis c'est okay. Là, il trouve un espèce de triangle, quelque chose de très mystérieux. Donc, mais moi, quand je lisais ça, je savais pas. En tout cas. Donc, c'est ça. Il y a une forêt mystérieuse en France, la forêt de Fontainebleau. Et puis, il y a Sylvie Bouchard qui présente son exposition qui s'appelle Fontainebleau. Mmh. Donc, il y a quelque chose de... Il y a un désir de mystère, du moins. Puis, elle est très inspirée par le mystère de cette forêt-là. Puis, ça se transparaît aussi dans les œuvres. Puis, il y a des animaux. Quand j'ai vu l'exposition, je ne savais pas qu'il y avait des animaux à Fontainebleau. Mais elle a reproduit des ours. Donc, peut-être que ça vient... De là. De là, oui, peut-être. Puis c'est ça, il y a des personnages qu'on voit en gros plan. C'est des plans cinématographiques, je trouve, sur certaines toiles. Puis il y a en haut, il y a un paysage, parce qu'il est séparé en deux, la toile. Puis en bas, c'est le personnage qui est en gros plan ou un personnage qui marche. Donc il y a quelque chose de même, je trouve, de paysage lunaire un peu ou de science-fiction dans les paysages qu'elle a fait. Donc, ça se rapporte un peu à l'idée de mystère ou de civilisation autre, finalement. Puis, tu sais, c'est ça. Ça a l'air d'être soit un monde ben, post-apocalyptique, pas tant que ça, mais où il y aurait une autre civilisation, là, ou une espèce de débris de civilisation. Donc, je trouve qu'il y a une belle relation avec la forêt de Fontainebleau quand on sait qu'elle est mystérieuse, puis qu'on soupçonne peut-être qu'il y a eu une civilisation, qui aurait été le centre d'une civilisation ancienne. Ben, je trouve que là, les toiles, ils ont. Encore une meilleure lecture, finalement. On peut faire une meilleure lecture de ces toiles-là. Donc, écoutez, je vais vraiment m'arrêter là parce que... Tu pourrais continuer longtemps à chaque fois. Ben c'est ça. C'est parce que là, j'avais vu vraiment beaucoup de choses. En un plus, mois. Ben oui, puis là, ben on a commencé un peu en retard. Fait que là, je suis désolée d'avoir pris de votre temps. Arrête donc. Mais c'est ça. Fait que je vais m'arrêter là pour Sylvie Bouchard. Mais c'est très beau qu'est-ce qu'elle fait, là. C'est, tu sais, puis elle utilise un fini mat. Donc, tu sais, souvent, là, on voit des couleurs éclatantes. Ouais. Je sais pas. Fait que là, il y a quelque chose de très sobre dans tout calme, ça. Calme, puis muet oui, un peu. Oui, exactement. Puis c'est vrai, muet, c'est beau, ça. Merci, j'essaie vraiment. Ça. Oui, c'est, j'aime ça, cette expression-là, de la peinture muette. T'es plein de ressources, Mathieu. Merci ouais. beaucoup. Non, mais pour vrai, c'est très beau, Mathieu. J'en prends note. Merci. Mais oui, c'est très calme, effectivement. C'est ça que je me t'ai dit, gars, c'est paisible et tranquille. Ah, ça aussi, c'est des beaux mots. Mais, tu sais, il y a du mystère, il y a de la douceur. Puis aussi, elle va représenter des... mais j'en parlerai pas, parce que là, j'ai plus le temps. Ah. Fait qu'allez la voir, là. Arrête, excusez, oui! Oui, je m'excuse. Fontainebleau! Ouais. On a eu Fontaine le Riche, on a eu Fontainebleau. Il manquerait Fontaine Santé, tu sais, de la peinture à l'humus. Ah, oui! Oh! Ah. Une peinture avec une carotte avec de l'humus sur une toile. Ben, pour vrai, j'ai déjà fait un peu ça, moi. Non. J'avais acheté des napperons de restaurant, ouais. Tu sais, dans une boîte, là. Tu sais, quand on va manger un petit resto, là, des trucs en papier, là, un petit peu stylisé sur le côté, où c'est marqué « Bienvenue, bon appétit », là. Ben, j'avais acheté ça. Une boîte de 1000, quand même. Oui. Puis j'avais essayé de peindre avec du sucre en poudre dilué puis du colorant alimentaire. Puis là, je faisais genre des hamburgers. Ah, mais de l'art qui se mange, là, c'est cool. Mais finalement, j'ai jeté ça à la poubelle. Puis j'ai gardé les petits napperons. Mes enfants ont fait des dessins là-dessus. Mais non, mais finalement, ça m'a fait. J'ai fait des peintures avec du colorant alimentaire. Oui. Plutôt que de la peinture. Oui, ça doit fonctionner. C'est vraiment beau. Je pourrais prendre une photo, m'amener de mes toiles oui, que j'ai chez moi. Je vais vous montrer. Oui, pour vrai, elles sont belles. Mm-hmm. Je fais rarement de la peinture, mais c'est dans un cours. Puis je me suis impressionnée moi-même, mais j'en ai pas refait parce que je suis pas si... T'as capturé ça une fois, après ouais, ça c'est ça, fini. Exactement. Je suis pas tant artiste visuel que ça, ouais. Pas créatrice. J'aime ça le regarder, j'aime ça l'observer, j'aime ça le lire, mais le faire, je suis moins habile. Je suis capable, mais c'est ça. T'aimes ça le rapporter, tu le rapportes très bien, donc on est très reconnaissant. Marie-Christine Perra s'était remplie de compliments et d'excuses aujourd'hui dans la chronique de Gratin et Vin gratuit. Merci encore, Marie-Christine Perra. Ça me fait plaisir. On te retrouve dans deux semaines. C'est congé, non? À un autre moment c'est donné. C'est Pâques. On l'annoncera. Ouais, c'est Pâques, ouais, c'est ça. Ouh, on verra. Coudonc, je reviendrai l'année prochaine. C'est ça. Non, mais attends un peu. On va trouver un spot, Marie-Christine. C'est bon. On va trouver un spot. Ouais, je referai pas d'autres gags, Danus. C'est tout pour Rassemblage Rocky pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore une fois à Marie-Christine Perra. Merci à Samuel Gérard et sa chronique hebdomadaire sur l'actualité politique. Demain à l'émission, on sera mardi. On aura Jimmy Thibodeau avec la chronique d'actualité qui passe sous le radar. C'est à 8h. C'est dans mon que ça se passe. À 8h30, Gabriel Béaud est la coulisse, les coulisses de la Luître. On va parler d'improvisation. Le match a lieu ce soir. C'est le dernier match régulier. Donc, entre, je crois que c'est bleu et les. Il me semble qu'il y a bleu là-dedans. Bref, ce soir, 20h à la chasse galerie. Sinon, sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, il y aura les délirantes à 13h avec leur émission de variété. À 14h, rock classique avec Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. À 19h, le voyage insolite avec culture rock, cinéma et littérature fantastique. Et à 20h, c'est rock de neurones avec du rock progressif. Mais dans quelques instants, dans un peu moins d'une demi-heure, ce sera C'est fou le sexe, émission d'éducation sexuelle. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. C'est.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. À demain 6h30. Bye. Bye.